Bob Sinclair sur Fun Radio avec Far la Mort, 6h37, jeudi 25 août également. Bonjour tout le monde, si vous débarquez ce matin, si vous ouvrez l'œil, et pour l'instant ça va. Au-dessus de Bruxelles, en tout cas, c'est un peu nuageux, mais ça va encore, il y a quelques éclaircies. Mais d'après les bonnes nouvelles de Julie, il fera dégueulasse aujourd'hui. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc si vous hésitiez à sortir de votre lit, restez-y à la limite, si vous n'avez rien d'autre à faire, restez-y. Et la petite devinette du jour, donc, trouvée sur internet, on s'est pas fait chier non plus. Est-ce que vous savez ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé? Il y avait beaucoup de mauvaises réponses et maintenant ça va, il y en a beaucoup de bonnes. Une sucette, c'est une mauvaise réponse. On avait proposé, je vais le dire poliment, un sexe. Non, c'est pas ça. Par contre, il y a des bonnes réponses, oui. Donc on va les donner dans quelques instants, les bonnes réponses. Là, il y a Sharon notamment qui a trouvé la bonne réponse. C'est Bia, 30-44, vous avez encore quelques secondes pour vous inscrire si vous avez cette bonne réponse. Et en attendant, bonne nouvelle également pour un sauvé de Secret Story là qui a trouvé un nouveau travail. Enfin, un sauvé, plutôt un non-sauvé, puisqu'il a été éliminé la semaine dernière. Ouais, mais quand je dis sauvé, c'est parce que maintenant il a notre travail. On l'a repêché, effectivement. Ouais, il a été repêché, ouais. La semaine dernière, c'est Zarko qui s'est fait sortir de la maison des secrets. Donc, c'est le frère jumeau de Zelko, donc les jumeaux diaboliques pour ceux qui étaient un peu. Qui étaient attachés l'un avec l'autre, là. Ils n'étaient pas attachés, enfin, mais dans le même vêtement, non? Non. C'est pas eux qui étaient dans les mêmes vêtements, là? Quand ils sont arrivés? Non, là, il y a une semaine, là, ou deux semaines, je sais plus. Ils étaient dans le même pantalon et même t-shirt, là, et ils devaient. C'est possible qu'ils aient fait ça, ouais. Non, mais Julie ne suit pas Secret Story. Ils ne sont pas si à moi, en tout cas. Non, mais attends, je fais ce que je peux. Je peux pas être dans les infos, et là. Écoute, déjà en tout que j'ai cas... une vie géniale car je vais à des mariages tous les week-ends. Mais attends, j'ai pas dit que c'était absolument génial de faire ça. Hein. J'ai juste dit que j'avais des mariages tous les week-ends parce que c'était le mois d'août propice au mariage. C'est vrai. En tout cas, donc Zarko s'est fait sortir, mais tout va bien pour lui parce qu'il va participer aux Anges de la télé-réalité numéro 3. Donc oui, il rejoint in extremis le casting. J'ai envie de dire oui quand même parce qu'il a quand même négocié à 10 000 euros. Donc ça va. Mais il va quand même se taper plusieurs semaines avec tous les cassos. Hein. Oui, enfin bon, moi je veux bien pour 10 000 euros. Ah ouais, mais enfin, ouais, non, mais d'accord. Bon, mais c'est vrai qu'il accompagnera Michael Vendetta. Bon, ça risque d'être insupportable. Mais... Franchement, 10 000 euros, c'est pas cher payé pour subir l'autre mec, l'autre taré là pendant des semaines. Bah, je vous rappelle qu'ils vont à New York. Hein. J'en avais parlé hier avec le casting. Mais voilà, Zarko maintenant est le dernier. Dernier quelle arrivé. Chance, mais qu'est-ce qu'il a de la chance, le petit quand même. Ils ont proposé un chocotof là pour la petite devinette de ce matin. Non, ce n'est pas ça. Hein. Est-ce qu'on a la bonne réponse, Tof? Écoute, j'espère. Ça ne décroche pas? Mais non, les gens. Et Anka qui proposait une brosse à dents. Non, mais ça c'était la devinette d'hier ça. Attends, je crois que c'est bon, là on a quelqu'un, sinon on sera pour après la pause. 3, 2, 1. Et on a Yannick. Yannick in extremis sur le fil. Ah ouais, sur le fil. Salut Yannick. Yannick? Ah oui, c'est ça, encore une fois, c'est Vince qui a fait du caca avec la table de mix. Allô Yannick? Oui. Ah voilà. Salut Yannick, comment vas-tu? Très bien. Bon, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? 16 ans, je suis à Le Saint-Pierre, c'est tout près de Bruxelles. Alors, est-ce que tu sais ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé? Une chic, moi je suis dans. Bien joué. Bien évidemment, joué. La bonne réponse, bravo à toi. Eh ben écoute Yannick, à 6h40, c'est bien, tu vas repartir avec des cadeaux. Comment bien commencer la journée, hein. Je te repasse le standard Yannick et passe une bonne journée. Okay. Hein. Salut. À bientôt. Salut. Ciao à toi, bye bye. Et puis restez là, on va revenir dans un instant avec l'infotrafic, la ligne anti-relou et la question qui colle. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. 7h moins quart sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, la question qui colle, la ligne anti-relou. Mais avant ça, on fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes. Pourquoi je n'ai plus de... Ça ne marche plus le micro. Ah voilà, ça y est. Voilà, maintenant ça fonctionne. C'est bizarre. Tout va bien sur les routes en ce moment. À part évidemment, comme d'habitude, sur le ring de Bruxelles, les travaux à hauteur du viaduc de Vilvoorde et entre Waterloo les et Les fameux travaux. Et oui, les fameux de Vilvoorde. J'ai encore vu des bouchons hier. Je crois que les gens. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est moi j'ai passé 2h30 dans les embouteillages là pour aller faire des conneries avec Vince. J'étais énervé. Hein. Bon, bah très bien. Donc faites gaffe si vous êtes sur la route. Et puis si vous êtes sur la route, prévenez-nous si vous voyez quelque chose, un radar, un bouchon, un accident. 30-44 par SMS, surtout n'hésitez pas. 0473-86-0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Voilà, en toute simplicité, c'est tous les matins, moins quart, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, la ligne anti-relou, tous les relous de la Terre, particulièrement les Belges en l'occurrence, peuvent appeler le 0473-86-0013. Le concept est simple, vous êtes une fille, en général, parfois un garçon aussi, mais c'est rare. Vous êtes une fille. Je suis déçu, il n'y a pas assez de filles qui appellent. Bah ouais, mais c'est normal. Et donc vous êtes avec des copines, n'importe n'importe quoi, dans un bar, un resto, dans une boîte, n'importe où. Et donc il y a des relous évidemment qui sont là. Hey, oh mademoiselle, hey, voilà, Tof le fait très bien. T'es mignonne, mademoiselle, hein. Ah, tu t'appelles quoi? Ah, Julie, tu t'appelles Julie, ça? Julie, viens! Non. Donc voilà, donc du coup, pour le calmer, vous le donnez votre numéro de téléphone, comme ça il est content. Et pour éviter qu'il soit relou après, donnez-lui notre numéro, la ligne anti-relou, 0473-86-0013. Du coup, le relou, il est content. Et du coup, le relou, il laisse un message. Oui, bonjour, belle. Écoute, je t'ai sonné pour m'excuser de te rester que tu voulais, puis enfin. Tu m'as donné ton numéro, c'est que ça t'avait quand même plu. Écoute, j'essaie mieux la prochaine fois, rappelle-moi. Voilà, pas tout compris, mais en gros, il s'excuse d'être resté aussi peu de temps parce que voilà, il a dû partir plus vite. Et puis, mais bon, ça a l'air de bien marcher puisqu'elle a quand même donné son numéro. Non. Il y croit. C'est mignon. Allez, deuxième relou du jour. Allô ? Oui, bonjour, c'est Marc. Hein. J'ai vu ton annonce sur annonce X Bruxelles. Voilà, je m'appelle Marc, je suis veuf. Et alors, j'aimerais bien te rencontrer. Et si cela te dit, par exemple, passer quelques jours à Paris ou à la mer ou à Bruges ou quelque chose ainsi, tu peux me rappeler au 04 septembre. Ça, il y a des enfoirés qui ont mis notre numéro sur des sites de rencontres et des petites annonces quoi. Oh, le ça pauvre c'est bon. Veuf, je cherche quelqu'un. Franchement, cet après-midi, je suis pas à l'abri d'aller sur des sites de rencontres pour essayer de trouver notre numéro. Je suis sûr qu'il est là facilement. Non mais ça c'est horrible parce que OK, le donner à un relou, il l'a bien mérité, mais donner à quelqu'un qui cherche l'amour. Mais oui, Julie évidemment elle pleure. Hein. Si vous cherchez l'amour, tout à l'heure nous donnerons le numéro de Julie. Oui, 0473-86-0013. Oui, mais est-ce que lui a vraiment trouvé ça? Mais moi je ne peux pas aider les gens, tu vois, je ne peux pas non plus être partout. Mais je suis sûr que si. C'est pas possible. Allez, troisième et dernier message de ce matin. Oui, Julie, tu m'as joué un petit cochon une fois à l'hôtel en me faisant marcher à poil dans le lit. Puis moi j'en ai eu marre, je te donne un petit coup de fil, plus rien du tout. Puis tu me recontactes, tu me remets un rendez-vous en disant que tu t'excuses et tout bazar, quoi. Mais moi je veux bien, mais tu t'excuses, je veux bien que je t'aime bien, que je t'aime, mais moi je me dirais bien qu'on se fout de ma gueule, quoi. Parce que maintenant je reviens à ton rendez-vous, t'es pas là. Moi j'ai l'air con, j'attends comme un con. Toi t'es vraiment béné aussi. Je vais te faire un message, moi j'aimerais bien que tu me ressonnes, ou alors. On arrête. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Connard en plus, mon front. Il n'y a pas marqué connard, mais il y a marqué crétin. Ouais, c'est ça. Bon, retour de la nuit anti-relou, ce sera dans moins d'une heure, donc restez bien là. Et puis la question qui colle, qu'a fait un papy de 67 ans pour se consoler de son divorce? Si vous avez la bonne réponse, là aussi, il y a des lecteurs MP3 ou d'autres cadeaux à gagner, ça vous verrez une fois que vous aurez gagné, hein, ça sera au standard. Qu'a fait un papy de 67 ans pour se consoler de son divorce? 3044 si vous avez la bonne réponse, ou sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKL officiel, ou alors vous allez directement via le site internet MIKL.fm. Vous avez aussi d'ailleurs les podcasts qui sont disponibles depuis iTunes. Ça fonctionne, podcast de l'émission. Si vous êtes un petit peu à la bourre, là vous n'arrivez pas à écouter toute l'émission, c'est disponible sur iTunes. Voilà, on s'écoute le son de Shana Paul maintenant à 7h10. Et Alexis Jordan, c'est Got to Love You. 6h53 sur Fun Radio avec Sean Paul à la story. Alexis Jordan, c'était Got to Love You. Tous les matins, on est là sur Fun Radio. Et oui, en direct avec vous. Et message qui est arrivé qui dit Mickaël, hier à cause de toi, Nabil s'est fait arrêter. Oui, c'est vrai. Parce que c'est de ta faute. Non, c'est moi qui lui ai lancé un défi. Après, il l'a fait. Il nous a saoulé toute l'après-midi à voir Nabil. Il fait la libre antenne le soir avec Vince et la B2C. Donc, il avait une espèce de petit, comment on appelle ça, un mégaphone. Et donc, sur le mégaphone, il y avait un bouton qui faisait la sirène de la police. Et il a pas arrêté toute l'après-midi de nous saouler avec ça, d'arrêter les gens sur le parking du Cora à Bruxelles Anderlecht pour leur demander les papiers d'identité. Alors que bon. Et donc, du coup, je me dis, puisque t'as fait le malin, va voir les flics maintenant. Une voiture arrêtée à un feu rouge et demande-leur les papiers. Tu vas voir s'ils vont se marrer. Bon, ils ont pas rigolé du tout, mais je pensais qu'ils avaient un peu plus d'humour hein, à Bruxelles. Mais bon, bizarrement, voilà. Tiens. Oui. Bizarrement, non. Mais on devrait avoir des nouvelles de Nabil tout à l'heure, et sinon ce soir dans la libre antenne à partir de 20h. Voilà. Bon, toi, pour la peine qui ce matin alors? Et ce matin, non, parce que comme DJ Nabil Kefta a été arrêté, donc il aura peut-être besoin d'argent pour payer sa caution. C'est vrai. Je me suis dit qu'il serait peut-être important qu'il puisse avoir un petit peu de diffusion sur les autres radios pour toucher un peu plus d'argent. Oui, c'est ça. Donc DJ Nabil Kefta, c'est ça. Hein. Hein. Celui-ci, c'est pour toutes les rachidas. Donc ça va être difficile. Et oui. Donc c'est la chanson de Nanana Bill de la Libre Antenne que vous retrouvez donc tous les soirs dès 20h. Voilà, mais moi je trouve ça vraiment dommage que les autres radios ne diffusent pas un aussi grand artiste. Mais bien sûr, mais bien sûr. Une aussi grande star. Évidemment. Et on appelle qui alors pour commencer? Bah, je propose qu'on commence par la radio de la Panthère. Ah bah oui, bah très bien, avec plaisir. Parfait. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle, on va voir s'ils sont disponibles. N'a pas de rien, toi. Non. Bah, il vaut mieux. Énergie, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis le producteur de DJ Nabil Kefta. Et en fait, le disque de DJ Nabil Kefta n'est pas encore rentré en prog sur Énergie. Et donc, j'aurais voulu savoir si c'était possible peut-être d'avoir quelqu'un à ce sujet-là. Il faut envoyer un email pour ça. Ah, parce que j'aurais peut-être voulu, peut-être qu'on organise une petite interview, vous voyez. Ouais. Le mieux, je vous dis, c'est d'envoyer un email. Ah oui, oui, parce que bon, les emails, j'en ai déjà envoyé quelques-uns, on m'a jamais répondu, alors que pourtant ouais, c'est. C'est bien, mais vous imaginez que ce genre de demande, on a des vingtaines par jour, quoi, donc. Oui, mais c'est bizarre parce que bon, sur Fun Radio, ils ont déjà commencé à le diffuser, et chez vous, pas encore. Mais on n'a peut-être pas forcément les mêmes critères de programmation. Ah, hein. Mais peut-être que si je vous fais écouter, vous pourriez peut-être me dire pourquoi ils ne passent pas chez vous. Moi, ce n'est pas moi la décisionnaire à ce niveau-là, donc je ne sais pas du tout. Malheureusement, je ne sais pas vous dire, mais vous avez... Ouais, mais je vous mets quand même un petit bout, comme ça vous me donnez votre avis. Vous voyez, c'est quand même pas mal, quoi. Donc c'est dommage que vous ne le passiez pas. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je suis assez déçu vraiment parce que c'est quand même un bon morceau. Écoutez. Rejeté par son père et ses grands frérots. Ne sait pas qu'elle fasse un petit Momo Travelo. Mettre un Travelo au monde ne devrait pas être puni. Ça reste un être humain juste avec des seins et un zizi. Il est quand même bien ce morceau. Je veux dire, c'est. Il mérite de passer sur Énergie. Exactement. Oui. Bon, vous allez faire un effort, vous allez en parler à Vincent, vous allez lui dire que. Oui, on parle à Vincent. Bon, je vous remercie, c'est gentil. Et puis je vous renvoie le CD. Ah, je peux peut-être en mettre un à votre nom, je demanderai à DJ Nabil Kefta de vous le dédicacer. Oui. C'est quoi votre nom? Moi, je suis désolée, je dois vous laisser, j'ai un double appel, excusez-moi. Oh, j'envoie un double appel. Très bien joué, elle est restée super sympa. Alors que moi, je voulais lui envoyer un CD dédicacé. Ouais. Je suis sûre que là, elle en rêve encore. Ah, franchement, c'est dommage. C'est dommage, le CD dédicacé, ça se refuse pas, DJ Nabil Kefta. Bah, attends, dédicacé, en plus, quoi. En direct de sa prison. Non, mais apparemment, il est sorti quand même. On vous tiendra au courant, vous inquiétez pas, évidemment. 6h56 sur Fun Radio, restez bien là dans un instant. On va revenir avec vous, évidemment. Et puis, on va répéter encore un petit coup la question qui colle. La question qui colle de ce matin, écoutez-la bien. Café un papy de 67 ans pour se consoler de son divorce. Il a volé des biens publics. Voilà. Oui, on peut voir ça comme ça, mais on voudrait plus de, ouais, faut plus de précision. Quel bien public a-t-il volé? Voilà, quel bien avec un S, bien évidemment, au pluriel. Allez, restez bien là, dans quelques instants, les infos débarqueront évidemment avec Julie. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et 2 minutes avant les autres, les infos maintenant avec Julie. On verra vos factures après. Hein. On fait les infos avant tout le monde. Oui, avant tout le monde. Okay, allez. Ou après ou avant. Ça dépend, mais jamais au milieu. Très bien. Salut à tous. Ce soir, cela fera une semaine jour pour jour que la tempête mortelle a balayé le festival Puckle Pop. Ce soir, des groupes de musique rendent hommage aux 5 victimes de ce drame. Le centre d'Asselt s'attend à accueillir de 5 à 10 000 personnes. Les familles des victimes n'ont pas souhaité être présentes. Dans la saga Kuckelberg, la suspension de l'officier de liaison à la police fédérale est confirmée par le Conseil d'État. Fernand Kuckelberg a été inculpé à la mi-juillet par le juge d'instruction de Namur pour viol, coups et blessures et menaces sur son ex-compagne. Il avait déjà dû démissionner de son poste en mars après avoir été mis en cause pour des dépenses jugées excessives lors d'un voyage professionnel au Qatar. Au chapitre politique, après l'épineux dossier de BHV, c'est le transfert des compétences qui était au centre des discussions mercredi autour du formateur Elio Di Rupo. Les négociateurs des 8 partis en charge de former un gouvernement poursuivront la discussion sur les transferts de compétences aujourd'hui. Demain, ils reprendront les travaux sur la loi de financement. 2 fois plus d'arrestations de personnes suspectées de terrorisme l'année dernière dans notre pays. 62 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt en 2010 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La plupart des dossiers concernent les villes de Bruxelles Bruxelles et d'Anvers. Actuellement, une centaine d'enquêteurs traitent les affaires relatives au terrorisme. Ce nombre n'est cependant pas suffisant car il s'agit d'enquêtes qui durent souvent longtemps. À l'étranger, une vague de chaleur touche l'Italie actuellement depuis une semaine. 10 personnes âgées de 78 à 90 ans sont mortes mardi et mercredi dans la région de Milan. Le record a été enregistré dans une petite localité sarde à la température perçue de 47 degrés. Cette vague de chaleur devrait durer jusqu'à demain. Et puis en Libye, Muammar Kadhafi reste toujours introuvable. Les rebelles libyens ont annoncé une récompense de près de 1,7 million de dollars pour retrouver le dirigeant mort ou vif. Voilà, je suis en train de réserver mes billets d'avion pour la Libye. Hein. 7h01, c'est la météo maintenant. Une nouvelle dégradation orageuse sera au programme évidemment aujourd'hui sur le centre et l'est du pays. Ça s'accompagnera de quelques grêles. Donc température jusqu'à 25 degrés. Demain, journée entre passages nuageux et éclaircies pour changer. Ben, c'est et ça. On perd des degrés jusqu'à 19 degrés seulement demain. Bon, et puis bougez pas de là dans quelques instants. C'est l'info en plus sur Fun Radio dans 20 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Allez, l'info en plus maintenant. C'est une info pour toi, ça, Mickaël. Ah. Parce que je sais que tu aimes beaucoup l'euro-million, le loto, oui, etc. Les jeux de hasard. J'ai gagné 15 euros. Je ne sais pas si tu t'es étranglé en voyant cette info, mais un joueur du loto qui avait déjà gagné 2,8 millions d'euros en 96. Et donc, on gagnait cet enfoiré. Eh bien, il a reçu encore son nouveau chèque mercredi de plus de 3 millions d'euros. Non, mais sans déconner, après avoir gagné au tirage du 27 m'énerve. Juillet. Ça m'énerve, ça. Alors, qu'est-ce il dit qu'il a une bonne étoile. Ah, ouais, bah oui. Et qu'en fait, il a toujours joué les mêmes numéros. D'accord. Alors ouais, la Française des Jeux a quand même calculé qu'un même joueur aurait une chance sur 363 millions de trouver à deux reprises les 6 Mais il est numéros. Cocu, c'est pas possible. Hein. Bah écoute, je ne sais pas, mais. Franchement, pour 5 millions, je veux bien. C'est ça. Pour 5 millions, près... après, tu pourras te rattraper. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Moyen, ouais. Ah ouais, tu Allez, chérie, oh. Je suis cocu, tu dégages. Hein. Moi, j'ai 5 millions. C'est ça, c'est ça. Ah et non, c'est. Oh là là, la voilà. Haine. Ça fait mal. Tant mieux pour lui. Oui, non, mais ça fait quand même mal. Ah ouais, ça fait mal quand même, surtout quand tu joues tout le temps, là. Ouais, c'est la rage. Bon, enfin bon. Bon bah très bien, l'info en plus reviendra évidemment tout à l'heure avec d'autres infos, ce sera vers 7h30. Et puis la question qui colle, on va vous la répéter dans un petit instant. Qu'a fait un papy de 67 ans pour se consoler de son divorce? La bonne réponse au 30-44. Il y a des lecteurs MP3 à gagner ou autre cadeau, on verra ça au standard. Et puis dans un instant on va vous payer votre facture également. Et oui, la facture, il y en a plein qui arrivent au 63-22. Facture de 409,98€, c'est pour le GSM. Il y a quoi aussi? Facture de 139€ pour le GPS, c'est Marianne. Précompte immobilier 287€, 139€ pour un GPS encore, revenu cadastral 427€, 812€ pour la réparation de la voiture, 1259€ pour l'assurance voiture, 819€ pour la mensualité de la maison, etc. etc. 54€ pour un portefeuille pour la fille, l'anniversaire de sa fille. Bref, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, c'est dans 5 minutes que ça se passe. 63,22€ pour les inscriptions, c'est 1€ par message. Vous débutez par facture, vous laissez votre le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et juste après le son de Mika, on vous appellera peut-être en direct sur Fun Radio pour vous filez l'oseille cash. Plutôt à bon délire. 7h03, bon réveil tout le monde. Et on écoute la version française de Mika maintenant, c'est Elle me dit. Elle me dit. Mika à l'instant sur Fun Radio avec Elle me dit, 7h07, bon réveil tout le monde. Si vous êtes en train de sortir de votre lit, bon courage. Si vous êtes sur la route et que vous êtes déjà dans les bouchons, eh bien bon courage également. On parlera de l'infotrafic tout à l'heure. Et si vous êtes témoin d'ailleurs de quelque chose, hein, vous voyez un petit radar là, des flics planqués dans les arbres avec une petite machine devant eux. Ils n'hésitez se planquent pas. Souvent dans oui, les arbres. Hein, souvent, ouais. N'hésitez pas donc à venir nous donner des nouvelles. Et puis Steve Jobs a démissionné aussi. J'ai entendu ça il y a une heure ou deux là. Oui, ouais, ça y est. Ça y est. Apple va aller mal. C'est lui qui avait tout fait remonter, donc là non, c'est... Ah oui, l'action a chuté hier. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'en fait, il quitte pas toutes ses fonctions, enfin c'est un peu particulier. Ouais, enfin bon, bref. Il reste, dans le truc de, à la tête d'observation. Du conseil d'administration, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah très bien, bah voilà, comme ça vous avez eu l'info. Dans un instant, Sarah avec Shaggy, et puis nous allons payer les factures, mais avant de payer les factures, nous allons prendre qui, Toff, au standard? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Ça va, Jean-Philippe? Oui, ça va. Bon, tant mieux, Jean-Philippe. Bon, alors, Jean-Philippe, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? J'ai 25 ans, je suis de Roux, à côté de Charleroi. D'accord, ok, très bien, parfait. Oui, je rappelle toujours la petite hymne du soir, hein, quand il y a quelqu'un de Charleroi. Hein. Bon, il chante mal, écoutez. Charleroi! Mais ça ne sert à rien, pourquoi tu diffuses ça à l'antenne? c'est l'hymne, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, d'accord. Ah bah oui. C'est l'hymne, on peut pas lutter. Ouais, et Charleroi qui s'est incliné hier 3-0 hein, face au Roulers, là, c'est quand même dramatique ça. Ouais. Ah bah oui, bah c'est-à-dire que c'est bien la peine de sponsoriser les perdants. Bah non, mais ils vont reprendre, t'inquiète pas, on est derrière là, y'a pas de problème. Bah justement. Bon, Jean-Philippe, t'as la réponse donc, qu'a fait un papy de 67 ans pour se consoler de son divorce? Il a volé 110 panneaux de signalisation sur la route où il allait avec son ex-femme pour oublier son divorce. Ouais, donc il a volé les 110 panneaux de signalisation donc, qu'il y avait sur les différentes routes. Oh, c'est tous les endroits mignon. Où il avait un souvenir avec sa femme et donc du coup il les a tous piqués pour avoir un souvenir à la maison. Oh, je savais que j'ai une histoire à l'eau de rose comme ça, j'avais dit ah bah ouais, mais c'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, c'est... Oh, oh le papy de 77 ans, il est triste. Bah oui, il divorce, c'est normal. D'ailleurs, Julie, elle va faire pareil. Elle m'a décroché tous les panneaux sur le chemin. Mais oui. Bon, bah bravo à toi, Jean-Philippe. Tu vas retourner chez ta faux standard. On va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer le cadeau rapidos. Ok, merci. Bah, je t'en prie. Et tu fais quoi dans la vie, Jean-Philippe? Moi, je suis en formation professionnelle forêt. D'accord, bon, bah écoute, bon courage alors. Ça marche, bah bon courage. Merci. Salut, ciao. Et salut. C'est parti maintenant pour la rubrique préférée du boss de la radio, c'est-à-dire Greg, écoutez ça. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Eh oui, à chaque fois, c'est pénible pour lui de... sortir son portefeuille. Bah, c'est pas ça, c'est de faire le code de vérification sur le compte en banque en ligne. Ouais, et puis après faire Enter, et enfin bon, à chaque fois très dur. Hein. Son doigt tremble comme ça, tu vois, avant d'appuyer sur le bouton. Bah oui, à chaque fois, il faut lui mettre un petit gant de toilette avec de l'eau sur le front. Ouais, ça transpire, il faut lui mettre un petit verre d'eau et tout, sinon c'est compliqué. Très difficile. Ah bah là, il va être content sur le répondeur. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, pour lui en tout cas. Non mais c'est pas possible, attends, tous les jours à 7h10 c'est un répondeur musical. Je choisis pas hein. Mais je sais. T'as vu, en plus c'est même pas la même. En plus c'est son dancefloor, c'est bien. Bon, 7h10, c'est dommage, bonjour. Je t'appelais pour te rembourser ta facture. C'est une facture de combien, Tof? 47 euros. Bon, ça va, c'est une petite facture hein. Oui, pour une pierre tombale. Ah hein. Bah c'est pourquoi, c'est pour un verre de terre? Non, je sais pas, c'est 47 euros. Pierre tombale pour un verre de terre. Non, mais attends, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je pensais que c'était beaucoup plus cher, effectivement. Non, mais c'est beaucoup plus cher, je te confirme. Peut-être qu'il est en carton. Ah, bah c'est pas une pierre, alors c'est un carton tombale alors. Ouais, ou peut-être que c'est une fausse pierre tombale, j'en sais rien, moi. Peut-être que c'est carton déguisé en pierre, quoi. Ouais, bon, bah enfin bref, c'est pas grave, en tout cas, c'est perdu. C'est Christelle. Hein. Bon, si vous voulez, vous aussi, vous inscrire pour qu'on vous rembourse votre facture, ce sera dans moins d'une heure. Comme la personne qui vient de s'inscrire, là, 123 euros pour Beliacom. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Où est-ce qu'il est? 3900 euros pour un salon. Bah, il y a un beau salon. Hein. 149 euros plein mazout. Ah non, 1490 euros plein mazout. C'est Verviers, François qui avait envoyé le message. Oh, 800 euros pour le cadastre. Ah bah ouais, 204 euros pour une couette. C'est Patrick. Ah bah il va bien dormir. Hein. 456 euros pour l'avocat. Bref, 900 euros pour l'assurance vie. D'accord, ok. Bah on essaiera de vous appeler peut-être tout à l'heure hein, pour les inscriptions. Allez-y, 63 22. Débutez le message par facture. C'est 1 euro par message. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans une heure, on remet le couvert. Et un qui a été découvert sur Fun Radio, c'est normal. En fait, je vous l'explique, hein, on a commencé à le jouer, enfin moi personnellement, uniquement parce que la meuf est surbonasse. Je vous invite à aller voir sur YouTube, hein, Sahara avec Shaggy Champagne. On écoute ça maintenant à 7h12 sur Fun. Le son de Sahara à l'instant avec Shaggy sur Fun Radio, 7h14. Il y en a plein qui ont été voir la tête de Sahara en disant « Ah oui, Mickaël, effectivement, on comprend pourquoi tu le passes !» Allez voir hein, sur YouTube Sahara, vous allez voir qu'elle est... Elle est... Enfin, elle est bien, quoi. Ouais, donc... Mickaël à la radio, tous les matins. Mais c'est raté. Ouais. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Tu voulais dire un truc? Non, je voulais dire que donc si vous avez un groupe, envoyez des photos de femmes nues à Mickaël, ça permettra de vous faire diffuser sur Fun. Voilà, c'est ça. Allez, on va accueillir Fun Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, voilà, bah, vous êtes à l'heure aujourd'hui, Doudou, c'est bien ça. Ah bah oui, hein. Après toi, avec bulle de café, un tube de gulonzan, j'ai de l'énergie pour toute la journée, là. Ouais. Hein. Bon, c'est vrai que vous partiez de loin aussi, hein. Ah bah oui, mais vous vous rendez pas compte, hein, c'est l'heure à laquelle je rentrais de soirée zouk avant, hein. Bah oui, mais c'est parce que ça vous fait plaisir de venir faire l'horoscope, hein. Ah, j'irai bon. Pas jusque là, hein. Bon, enfin. Bon, allez, on va commencer avec les béliers. Alors, vos bons arguments seront porteurs, mais soyez diplomates. Les taureaux. Quelque chose est en train de se préparer et ça va changer radicalement votre vie. Les Gémeaux. Le travail vous semble être sans fin et insurmontable. Faites comme moi, ne bossez pas. Bah c'est ça. Les Cancers, attention pour Julie, on va voir si c'est une mauvaise nouvelle. Meilleur, ouais. Défendez avec courage votre point de vue. Mais rassurez-vous, de toute façon vous perdrez. Ça c'est possible. Merci. J'ai que de la merde avec Doudou. Les Lions. Cet après-midi vous aurez une petite baisse, mais heureusement avec l'avance que vous aurez pris ce matin, ça fera la balance. Bah tant mieux, les Vierges. Concentrez-vous plus sur votre travail et arrêtez de rêver. Ah, c'est parce que les Vierges en général sont plus attirés par leur assistante, tout ça. C'est possible. Ah ouais, c'est quelle horreur. Comme c'est le signe du copain. C'est que mon mec est vierge. Ignoble personnel. Ah ouais, les vierges sont plutôt volages, non? Et en plus, avec tout ce qu'il voit passer sur son plateau télé, moi je dis. Ouais, c'est ça. Donc, moi je me méfie de la maquilleuse. Ah ouais. Donc, le vierge est volage alors. Les Balances. Un projet risque d'échouer, mais vous obtiendrez de l'aide et tout ça en joie. Les Scorpions. Une période difficile s'annonce. Les Sagittaires. Aujourd'hui, on vous adore. Profitez-en pour obtenir des choses. Oui, parce que demain, ça va être l'inverse, vous allez voir. Mais pourquoi c'est pas moi qui ai ce genre de horoscope? Parce que t'es pas Sagittaire, c'est pas plus compliqué. Oui, tu es sous le signe de la loose, j'y peux rien. Les Capricornes. Alors prenez soin de vous et prenez l'air le plus possible. Les Verseaux. Planifiez des cours de fitness, de yoga ou de méditation. Mais vous avez besoin de faire le vide. Et enfin, les Poissons. Alors d'accord, c'est une semaine un peu agitée, mais elle promet d'être pleine de succès. Très bien, bah vous revenez dans une heure, Doudou. Ah bah oui, hein. Ah bah avec plaisir. Maintenant, alors je suis là. Bah c'est ça, tant qu'à faire. A tout à l'heure. Et oui. Plein de messages qui arrivent aussi au 3044 qui demandent l'énigme, ouais, la deuxième devinette. Elle arrive dans quelques minutes, la devinette, spécialement dédicacée pour Julie. Elle va kiffer la devinette. Ça veut dire que c'est hard, alors préparez-vous au pire. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ça va arriver dans un instant, on va vous payer les factures aussi tout à l'heure et on va vous réveiller. Ça sera Mickaël Réveille la Belgique dans un instant, 7h18. Et le son de Rihanna maintenant, l'excellent son de Rihanna, c'est Men Down. 7h22 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'était Rihanna à l'instant avec Men Down. Et puis restez bien là puisque tout à l'heure on aura des places à vous filer, enfin des places non, des packs carrément, des packs destination finale 5, ce sera à vous filer tout à l'heure, 63-22 débuté par destination si vous voulez choper ça, destination finale 5, c'est sorti depuis hier dans toutes les salles, donc comme ça vous êtes au courant, on va dire ça comme ça. Bon, vous l'attendiez tous hier, mais malheureusement un petit imprévu a fait qu'il n'a pas pu venir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est là, en pleine forme. Les magnifiques critiques cinéma du magnifique Menzo. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Toff, tu peux lui expliquer par rapport à tout à l'heure? Oui, monsieur Menzov. Oui. Voilà, en fait, je sais pas si c'est une pratique courante chez vous, mais est-ce que vous pouvez expliquer à votre ami qui vous accompagne que chez nous, on urine dans les toilettes, pas dans l'évier de la cuisine? Ok. Frère? Pas uriner et cuisine, mais uriner jardin. Non, pas jardin non plus. Hein. Bon, comment s'appelle votre ami? C'est pas mon ami, c'est frère, il s'appelle Robinetto. Ah, très bien. Alors, monsieur Robinetto, si vous pipi, pas évier cuisine, hein, et pas jardin, mais toilette, d'accord? Ok, comprendre. Il est gentil. Dites, monsieur Menzov, la caravane et les bouteilles de whisky juste devant Fun, là, c'est pour votre nouveau film? Non, c'est caravane de frères, car on va habiter ici. Habiter là? Mais pourquoi vous êtes venu avec votre frère et pourquoi autant d'alcool? Frère, aidez-moi. Il a étudié cinéma Ukraine et il va aller voir beaucoup de films pour moi, car j'ai trop travaillé avec production de nouveaux movies. Et frère, beaucoup boire pour travailler plus vite. Ah, mais vous réalisez un nouveau film? Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, monsieur Menzov, sur le nouveau film? Ok, frère, annoncez nouvelles. Oui. Benoît Poulvord, Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo vont jouer dans un nouveau film, monsieur Menzov. On va l'appeler Si t'arrivais près d'ici Fun Radio. Mais c'est une pauvre copie de Si t'arrivais près de chez vous. Mais non, c'est pas copié, vous comprenez rien. C'est de l'œuvre d'art, ok? Ah oui, certainement. Enfin, pour nous, non, mais peut-être pour vous. Bon, vous arrêtez tout de suite de critiquer, sinon frère va faire du mal à famille. Ah non, hein? Oui, enfin, évitez les menaces, monsieur Menzov, hein, sinon on arrête tout là. Alors, de quel film allez-vous nous parler aujourd'hui, monsieur Menzov? Frère va vous raconter. Ah bon? Yeah. Alors, j'y vais vous parler du nouveau Batman avec Catherine Deneuve et Bill Clinton. Mais attends, tu mens, frère. J'ai été voir ce film 10 fois et Deneuve joue pas dedans. Deneuve joue dans Ghostbusters. C'est vous qui m'avez dit que... Non, elle joue dans Ghostbusters. Bah, arrêtez! Vous m'avez dit que je jouais de l'épée. Non, vous manquez de respect encore avec moi. Tu veux scandale devant fille ou alors c'est grosse bite ou quoi? Bon, eh bien, on va vous laisser dans votre discussion de famille. C'est du scandale ici. Les gars, c'est pas la libre antenne là. Allez voir chez Vince pour ça. Monsieur Menzov? Bon, eh bien, monsieur Menzov, à la semaine prochaine. On va les laisser dans leur petite dispute familiale là. En espérant que vous nous parlerez enfin de l'actu ciné la semaine prochaine. Ouais, et ça, c'est pas gagné. Ah, mais non, ça, c'est pas gagné. Ils ont tout cassé là. Oui, mais c'est pas grave. En même temps, ils sont russes, hein. Oui, ça c'est sûr. Et bourré aussi, j'ai l'impression. Il s'énerve. Ça sentait quand même pas mal l'alcool. Hein. Oui, légèrement. Vodka. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont venir habiter là en bas. Mais enfin bon. Bon, tiens, il y a Mirko sur le groupe Facebook sur mikl.fm où vous pouvez d'ailleurs retrouver enfin tous les podcasts via iTunes. Mirko qui dit plus de blagues du jour. Si, la blague aussi, hein, reviendra, vous inquiétez pas. Là, il y a la devinette pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la devinette, Julie. Ah, ça y est, roulement de tambour. Ah oui, oh là là, attention. Vas-y, balance. Alors, écoutez bien, il y a des cadeaux pour vous aussi, évidemment, si vous avez la bonne réponse. Attention. Mais alors, attention. Bah, attention, parce que là, tu mets vraiment la pression, ça a intérêt à être bon. Hein. Ah oui, je mets la pression, c'est le cas de le dire. Alors, attention, écoutez. Quand on me prend, je m'allonge. Allez, ensuite, je passe entre vos seins pour enfin rentrer dans l'orifice adéquat. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 3044, n'hésitez pas. Voilà, quand on me prend, je m'allonge, ensuite je passe entre vos seins pour enfin rentrer dans l'orifice adéquat. Je ne sais plus qui quoi suis-je faire. T'as pas une idée, Julie? Non. Ah, je... Attends, parce que je check mes infos, là, je suis ok. Bah oui, c'est ça. Genre un grand journaliste, là, ça y est, là, au cœur de l'information. Non, j'ai pas d'idée, j'ai pas l'esprit mal tourné comme ça. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Oui, j'imagine. Oui. Nous avons l'esprit, tout ce qu'il y a de plus sain. Tout à fait. Tout ce qu'il y a de plus tourné, oui, pas de problème. Tout à fait dans la sécurité, bien évidemment. Hein. Oui, ça, je. Voilà. Bon, allez, je répète, quand on me prend, je m'allonge, ensuite, je passe entre vos seins pour enfin rentrer dans l'orifice adéquat. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 3044, allez-y. Le mot sécurité peut aider, je pense. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, tout à fait. Promis sur la sécurité. J'ai compris. Oui. Dans quelques minutes, ce seront les infos qui arriveront avec Julie. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. 7h29 sur Fun Radio. Je vous rappelle vite fait la petite devinette de ce matin là, hein, pour faire plaisir à Julie qui a un esprit totalement mal tourné. On l'a bien vu maintenant, ça y est, c'est fait. Hein. Un esprit pervers. Ah oui, moi je suis la pire. Hein. La perversité même. Ah ouais. Alors, quand on me prend, je m'allonge. Ensuite, je passe entre vos seins pour enfin rentrer dans l'orifice adéquat. 3044, si vous avez la bonne réponse, on propose un collier, c'est pas bon, et un coton-tige. Alors, je ne vois pas comment le coton-tige peut s'allonger quand on le met entre ses seins. Du coup, je pense que Thor pourrait faire ça avec un coton-tige. Peut-être. Mais je ne vois pas non plus comment un collier peut s'allonger, parce que sinon j'achète un collier en or et s'il s'allonge, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, un soutien-gorge, non, c'est pas ça. Bon, vous êtes nombreux, cela dit, à avoir trouvé la bonne réponse. On fera un tirage au sort dans un instant. Et là, il est 7h30. Ce sont les infos avec Julie. Salut à tous. Ce soir, cela fera une semaine, jour pour jour, que la tempête mortelle a balayé le festival Puckle Pop. Ce soir, des groupes de musique rendent hommage aux 5 victimes de ce drame. Le centre d'Asselt s'attend à accueillir de 5 à 10 000 personnes. Les familles des victimes n'ont pas souhaité être présentes. À Liège, un corps en décomposition a été repêché sur le canal Albert. Des pêcheurs néerlandais qui passaient en barque hier en début de soirée sur le canal ont découvert sur le talus d'une presqu'île un cadavre en décomposition. Il s'agirait d'une mort naturelle. Aucun élément suspect n'a été relevé. La victime pourrait être un ressortissant néerlandais de Maastricht, disparu il y a 6 semaines, ce qui correspond à l'état de décomposition du corps. Au chapitre politique, les négociateurs des 8 partis en charge de former un gouvernement poursuivront la discussion sur les transferts de compétences aujourd'hui. Demain, ils reprendront les travaux sur la loi de financement. En 2010, il y a eu 2 fois plus d'arrestations de personnes suspectées de terrorisme. 62 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt l'année dernière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La plupart des dossiers concernent les villes de Bruxelles et d'Anvers. Actuellement, une centaine d'enquêteurs traitent des affaires relatives au terrorisme. En France, une mini-tornade s'est abattue hier sur un camping en Isère. Le bilan est lourd, 1 mort et 5 blessés. Une femme d'origine néerlandaise est décédée à cause d'une chute d'un arbre sur des tentes, alors que son fils de 2 ans a été blessé et hospitalisé. Il y aurait donc également 5 blessés, dont une personne belge. En Libye, Muammar Kadhafi est toujours introuvable. Les rebelles libyens ont annoncé une récompense de près de 1,7 million de dollars pour la tête du dirigeant, mort ou vif. Le PDG et le créateur d'Apple, Steve Jobs, démissionne. Il était en congé de maladie depuis le mois de janvier pour une durée et une raison indéterminées. L'action du groupe chutait hier soir, suivant cette annonce. Le conseil d'administration dont Steve Jobs prendra la tête a nommé son numéro 2, Tim Cook, pour le remplacer. Et puis enfin, en sport, les hockeyeurs belges se sont imposés face à l'Espagne 3-2 lors du match décisif de leur groupe à l'Euro de hockey. Une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales, mais surtout pour les JO de Londres. Et t'as oublié de dire aussi que Benfica s'est qualifié grâce à 2 de Witsel. Tout à fait, mais je n'ai pas la place pour tout dire non plus. Oui, c'est vrai. Je parle surtout de la Belgique, tu vois. Bah oui, mais Witsel. Witsel, oui, effectivement, mais bon, il est plus chez nous maintenant. Non, mais enfin bon, les Diablos rouges quand même. Voyons. 7h32, la météo qui sera de toute façon mauvaise, donc on aura pu gagner du temps là-dessus. Voilà, c'est mauvais, jusqu'à 25 degrés. Voilà. Non, mais... Allez, l'info en plus. Non, elle m'a saoulé la météo, de toute façon il fait dégueulasse tout le temps, donc bon, ça sert à rien de leur faire 3 heures. Ok. L'info bon. En plus, c'est 7h33. Mais je voulais vous parler d'un petit site internet britannique que je trouve plutôt sympa. Ce site invite les femmes à poster des photos de leur corps, attention, sans retouche, ni trucage Photoshop. Ne t'excite pas, Top. Je vois déjà tes yeux s'illuminer. J'ai chaud comme la braise. L'objectif est de lutter contre la dictature des magazines de mode et apprendre à mieux s'accepter. Le site internet, c'est mybodygallery.com et donc ça la propose aux internautes de donner leur mensuration ainsi que leur type de corpulence. Et ça n'existe pas, mybodygallery.com? Ça ne parle pas encore, mais toi, c'est sur le coup. Ah oui, bah il va le créer. Moi, toujours. Bah, bien évidemment. Mais quand est-ce qu'on met la photo de Julie? Ah bah oui. Hein? Jamais, peut-être. T'es 100% naturel, toi? Bah oui, écoute, ouais. Bah voilà, bah, c'est l'occasion. Mybody, c'est quoi, mybody quoi? Mybodygallery.com. Ah, mybodygallery.com, voilà. Donc dites-nous si vous voulez la mais photo de Julie. Mais les femmes sont habillées sur le site, hein, que personne ne s'emballe. Hein. Ah bah, okay, voilà, ouais, mais ça sert à rien, encore une escroquerie. Bah attends, j'ai pas dit qu'elle devait être toute nue. C'est juste pour montrer comment sont réellement les femmes sans retouche. Sans vêtements, oui. Bah, non, voilà, non, mais ça aurait été bien. Hein. Bon, allez, on se fait la parodie de l'émission maintenant avec le morning. Et puis je vous rappelle la petite devinette là. Hein. Bon, on proposait un gant de toilette, non, c'est pas ça. Quand on me prend, je m'allonge. Ensuite, je passe entre vos seins pour enfin rentrer dans l'orifice adéquat. Qui suis-je? 3044, il y a des lecteurs MP3 entre autres à gagner. Vous verrez ça au standard si vous gagnez. Et on s'écoute à 7h34. Donc la parodie, je vous l'annonçais, celle du morning. On l'a faite moi-même avec Sébastien Lop qui viendra tout à l'heure faire la déclaration express. Sur la musique de Kinvé maintenant, le morning sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dring, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'ensorcelle. C'est fini le zapping. Montez les décibels, direction le morning, et la journée sera belle. Moi perso, ça ne me dérangerait pas de me lever tôt, oh, oh, oh. Ça ne me rendrait pas trop mégalo, oh, oh, oh. Même si tu ne voudras plus écouter d'autres radios, oh, oh, oh. Avec ma voix dans tes oreilles, ta matinale sera très chaude. Eh oh, on stoppe les conneries là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop. Motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Michael, le bandit, t'as pas compris, c'est pas pour toi. Bah ouais, je sais. Ça fait crédible. Bah pas des masses, hein. 7h38 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, le soleil se lève. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 25 août. Et on devait jouer normalement à Mickaël réveille la Belgique. Mais malheureusement, Sam, qu'on devait avoir là, ça ne marche plus. On n'arrive pas à le joindre. Ça ne décroche pas. C'est scandaleux. Voilà, c'est honteux. Il ne s'est pas réveillé lui-même. Bah ouais, on n'arrive pas à le joindre. Donc si vous voulez jouer à sa place et repartir avec des cadeaux, notamment les packs destination finale, 5 bien évidemment. Et bien n'hésitez pas à vous inscrire au 3044. Débutez le message par réveil tout simplement. Et puis la bonne nouvelle aussi pour tous les fans de Justin Bieber, c'est jusqu'à demain, hein, vous allez pouvoir tenter de remporter le DVD du film Never Say Never, dédicacé par Justin Bieber himself, ainsi que plein de cadeaux à l'effigie de Justin Bieber, des t-shirts, des colliers, des sacs, des porte-clés. Suffit d'envoyer Justin au 6322 avec vos coordonnées complètes, tirage au sort demain. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, bah écoute, on va essayer d'appeler Nabil en attendant, hein. Mais oui, réveillons Nabil, Nabil de la Libre Antenne qui a fini en prison hier soir puisqu'il a fait une blague à des flics. Oui, tu l'as mis au défi quand même. Ah ouais, mais c'est parce qu'il nous a saoulé toute l'après-midi avec ça. Donc je lui ai dit, bah écoute, fais la vanne maintenant. Va avec ta petite sirène, ton mégaphone chez les flics. Ah, il a fait le malin. Ouais, il a fait le malin, il a fait le malin. Il a qu'à me dire non, mais il a fait le malin, c'est tout. On va appeler Nabil maintenant, c'est pas grave. Bon, je suppute qu'il ne décrochera pas, hein, mais on verra bien, on va voir. Encore, il se remet de ses émotions. Bah peut-être, ouais. Bonjour. Ah, il y en a un, oui, parce qu'on a deux numéros. Ouais. Hein. Avec un. Allô. Allô, Nabil. Non. C'est la police judiciaire. Ah, je te casse tête. Alors, on voulait des nouvelles. Alors, le temps qu'il se réveille, hein, en attendant, oh. petite pause musicale. Celui-ci, c'est pour toutes les rachidas qui vont tourner au blé. Voilà, DJ Nabil Kefta qui vient de commencer seulement sa carrière et déjà fini dans le panier à salade. Non, c'est ça les vrais, tu vois. Ah ouais. C'est ça, mec, les vrais gangsta. Booba serait fier de toi. Quoi? Booba serait fier de toi. C'est gentil. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier soir alors pour ceux qui n'écoutaient pas la Libre Antenne? Ben, je devais contrôler une voiture de flic. Ouais, donc avec son mégaphone et... Tu devais contrôler une voiture de flic. Voilà, donc j'étais avec mon mégaphone, j'arrive, le gars me demande de me mettre sur le trottoir. Enfin, je lui dis, vous m'avez bien compris, je fais un contrôle. Et au final, il sort de la voiture, je m'enfuis. Mais... mais il court plus vite que toi. Non, je les ai eu, les deux là, parce que dans le délire, je les ai eu. Mais ils sont appliqués à 6 voitures. Et 6 voitures encerclé. Pour DJ Nabil Kefta. Et ils m'ont encerclé. Voilà, ils m'ont attrapé et tout. T'es sorti quand même. Ouais, non, ça a été super, ça a été, mais voilà. Ouais, plus de peur que de mal. C'est de ta faute. Mais tu nous as saoulé toute l'après-midi avec ça. Après, t'étais pas obligé d'accepter mon défi, hein. Mais oui, tu sais très bien que j'accepte tout, donc je suis obligé. C'est ça, ouais. Bon, bah Nabil, ça va, il est sorti en vie. Tu sais que depuis ce matin, on essaye de te trouver, de te faire passer sur d'autres radios, hein. C'est vrai, voilà. Ça marche pas. Non, énergie refusée. Bizarrement. Mais on va appeler d'autres radios tout à l'heure là. En plus, je lui avais proposé une dédicace et tout, et elle a pas voulu. Hein. Bah ouais. Tu l'envoies ton single dédicacé, elle a pas voulu. Voilà. DJ Nabil Kefta, que vous retrouverez ce soir dans la Libre Antenne avec Vince et la B2C. Bon, allez, bonne nuit, Nabil. Hein. Ça a l'air drôle. Ah oui, ça le fait marrer, tant mieux. Hein. Allez, on revient dans un instant sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous, avec l'infotrafic aussi. Et puis on parlera bien évidemment de la ligne anti-relou et de la question qui colle. Et on donnera la réponse aussi à la petite devinette du jour. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Et c'est Fun Radio, 7h46. On fait un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Ah oui, ce micro qui marche jamais là, c'est dingue ça. Non, c'est juste que tu ne sais pas appuyer. Mais si, attends, mais je pousse, mais le on marche plus. Bon, c'est pas grave. D'accord, bah écoute, il y a toujours un accident sur le 19 Mons vers Bruxelles, Saint-Denis. Très bien, et donc bah, toujours aussi les embouteillages normaux, on va dire ça comme ça. Hein. Pas encore trop. Ouais. Bah ouais, 7h46. Ça commence à revenir en fait avec les vacances, on sent que les vacances sont finies. Ah bah oui, bah les gens rentrent, les gens retournent et au travail. Et oui, au travail, attendez, les cols à pare-brise. Fini la glande. Ah, les cols à pare-brise dans une semaine, on va voir. Ça va être différent. Et oui, le 1er septembre. Bon. On est là avec PZK dans un instant avec Chuibo et puis bah ligne anti-relou maintenant, c'est parti. Mickaël à la radio. Pour un monde sans... sans relou. Mais oui, pour un monde sans relou. Cela dit, s'il n'y avait pas de relou, évidemment, bah, il n'y aurait pas de ligne anti-relou, ce qui est quand même dommage. La ligne anti-relou, c'est tous les matins à 7h-4, 8h-4 et 9h-4. La ligne anti-relou, c'est le 0473-86-0013. C'est ce numéro que vous devez connaître par cœur, surtout les filles, afin de, le donner à tous les relous qui seraient là en train de venir vous draguer tout le temps, incessamment, tout le temps. Vous le donnez, du coup, forcément, eux vont être contents. Ils auront votre numéro de téléphone sans savoir qu'en fait c'est le nôtre. Et donc vont laisser des messages sur le répondeur. Alors écoutez bien. Oui, bonjour Belle. Écoute, je t'ai étonné pour m'excuser d'être resté que 2 minutes. Mais enfin, si tu m'as donné ton numéro, c'est que ça t'avait quand même plu. J'espère mieux la prochaine fois, rappelle-moi. Ce qui est bien, c'est qu'il dit désolé d'être resté que 2 minutes, mais bon, j'ai dû partir très vite. Mais si tu m'as donné ton numéro, c'est que quand même il se passe quelque chose. Moi, je lui conseille d'acheter quand même un nouveau GSM. Oui, ah bah ça aussi, effectivement. Oui. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, bonjour, c'est Marc. J'ai vu ton annonce sur annonce. Bruxelles. Ah non, voilà, annonce X. Je m'appelle Marc, je suis veuf. Et alors, j'aimerais bien te rencontrer. Et si cela te dit, par exemple, passer quelques jours à Paris ou à la mer ou à Bruges ou quelque chose ainsi. Oh, Marc, bel paquet. Tu peux me rappeler. Ouais, il a les moyens. Ah ouais, là, il va sans problème. Ah, Marc, hein. Marc Belpaquet, ouais, il est prêt pour un petit week-end à l'étranger. Il sait y faire, quoi. Ah ouais, il sait y faire. Ouais. Malheureusement, c'est le numéro de la ligne anti-relou, donc c'est vraiment dommage. Ouais, voilà, donc Julie va récupérer le numéro. Oui, bonjour. Tu m'as proposé de partir à Paris. Je suis disponible. Oui, bien sûr, j'ai pas besoin de ça. Allez, troisième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin et le dernier pour aujourd'hui. Oui, Julie, m'as joué un petit cochon, toi à l'hôtel, en faisant marcher à poil dans le lit. Moi, j'en ai eu marre. C'est ça. Coup de fil, plus rien du tout. Vous avez vu comment elle est, Julie ? Puis tu me recontactes, tu me remets un rendez-vous en disant que tu t'excuses et tout bavard, quoi. Mais moi, je veux bien, mais tu t'excuses, je veux bien que je t'aime bien, que je t'aime, mais. Que je t'aime, tu vois, il s'est rattrapé, hein, ça me gueule, quoi. Parce que maintenant, je reviens à ton rendez-vous, t'es pas là. Ah. Moi, j'ai l'air con, j'attends comme un con. C'est sûr. Bon. Oui, t'as l'air con, oui. Bon, ça fait que 3 fois. Alors, quand tu m'envoies un message, moi, j'aimerais bien que tu me ressonnes, ou alors. Complètement, on arrête, hein, parce que. Non, on arrête, hein. Mais c'est toi que tu t'en rends compte. Pas marqué connard en plus, mon front. Oui. Voilà, et donc faut savoir. Mais pour le ceux gars, qui écoutent, c'est la troisième fois qu'il, voilà, qu'il appelle. Mais ouais, la première pas. Fois, il a été avec cette meuf dans un hôtel et lui a dit attends, je vais chercher les préservatifs, je reviens. Elle est parvenue, donc il a appelé un message. Et là, il relaie sa message. Bon, 0473-86-0013, numéro de la ligne anti-relou. Et pour la réponse à la devinette, qui est là? Cynthia, bonjour Cynthia. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, toi? Ouais, ça va. Tu as déjà eu affaire à la ligne anti-relou? Enfin, tu as déjà dû donner le numéro à quelqu'un ou pas? Oui, souvent je donne. Ah, c'est bien Cynthia. T'as quel âge? T'es dans quelle ville? J'ai 24 ans et je suis de Châtelet. De Châtelet, d'accord. Allez, tu as la réponse à la petite devinette de tout à l'heure là. Quand on me prend, je m'allonge. Ensuite, je passe entre vos seins pour en faire rentrer dans l'orifice adéquat. Qui suis-je? C'est une sécurité. Mais oui, Julie qui avait un esprit mal tourné, qui me dit, mais c'est dégueulasse à cette heure-ci, là, de dire ça, là, c'est dégueulasse, je suis choquée. Bon, eh ben, bravo à toi, Cynthia, je vais te renvoyer chez Dove qui va très bien prendre soin de toi. Mais oui. Il n'y a pas de problème. Non, merci. Je t'en prie, Cynthia. Au plaisir, Cynthia. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Merci, salut. Bonne journée à toi aussi, Cynthia. Ciao à toi. Bon, et la question qui colle, on enchaîne avec des questions. Ben oui, on fait travailler votre cerveau ce matin, là. Qu'a trouvé Aurélie Gerban? Porte bien son nom. Dans son sachet de salade bio. Ah oui, je vois, oui. Voilà. Qu'a trouvé Aurélie Gerban dans son sachet de salade bio? Pour info, ce truc n'était pas complètement mort. Voilà. Ah, j'allais dire, c'était plutôt vivant, effectivement. Voilà, comme ça, vous savez. 7h51, bonne matinée tout le monde. Et les PZK maintenant, spécial dédicace pour moi. En toute simplicité, n'est-ce pas, Julie? Ah, ça. Oh, les paro, elle est vraiment pas drôle, c'est bien. Oh là, oh là, oh là. Non, je cherche une devinette pour tout à l'heure, là, j'en trouve une. Je lui dis à l'antenne en lui disant tiens, oh non, ça c'est vulgaire, oh là là, ça je ne valide pas. Il n'y a pas de problème en livre antenne, mais on peut se lâcher, mais là c'est le matin, ne faisons pas vomir les gens dès le réveil. 7h55, quoi. Bon réveil. Mais oui, ben voilà, mais soyons bon. Cool, soyons bisounours. On est cool. Bon, alors aujourd'hui, tu t'es fixé comme défi, Tof, donc de faire diffuser DJ Nabil Kefta, ouais, c'est ça. Oui, mais sur les autres radios, c'était ça le plus important aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chanson de Nabil Kefta, c'est ça. Celui-ci, c'est pour toutes les Rachidas qui cette fois on va dans quelle radio? Tout à l'heure on a appelé Énergie, ça marchait pas. Bah écoute, je me dis qu'il faut aller dans une radio peut-être un petit peu moins importante. Peut-être. Donc je me suis dit qu'on allait aller sur Must FM, hein, la radio de Namur. Très bien, allez c'est parti, on y va, on appelle, on va essayer de leur faire diffuser DJ Nabil Kefta. Laurent, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis le producteur de DJ Nabil Kefta. C'est un nouvel artiste belge. Et en fait, j'étais assez déçu parce que en fait, vous ne le jouez pas sur Must FM. Regardez, je vous fais écouter un petit extrait. Celui-ci, c'est pour toutes les rachidas qui vont retourner au bled. Pour toutes les rachidas, oh yeah. Vous voyez, c'est quand même bien. Donc, je ne comprends pas que vous ne le jouiez pas sur Must FM. Évidemment, Fun Radio, il ne faut pas comparer Fun Radio à une radio de province. Non, c'est une radio de jeunes, quoi. Oui, mais bon, voilà, comme c'est quand même un artiste belge, il faudrait le soutenir un peu, quoi. Ah oui, ben nous, on essaie de soutenir les artistes namurois. Ah oui, bon, non, il est de Bruxelles, par contre, oui. Ouais, donc on essaie plus de travailler sur le namurois, parce que c'est quand même la radio de la province de Namur et de Luxembourg, donc s'il y a un Luxembourg qui sort, on essaie de sortir, comme on a sorti Stromae, on a sorti Caroline Éloie. Ouais. Donc c'est un peu notre style musical, mais on va un peu tout azimut. Ouais. Maintenant. Mais si venait s'installer sur Namur, vous pourriez le jouer peut-être. Vous vous rendez compte que c'est pas le seul. Oui, oui. On a de tout et de rien. On a des fois des imbécilités terribles qui arrivent. On se demande où est-ce qu'ils ont appris à chanter. Ah voilà. Oui, non, c'est pas. C'est, pas, c'est à peu près. Style X Factor ou une scène quoi. Ah oui, non, DJ Nabil Kefta, c'est quand même quelqu'un qui. Voilà, c'est dommage, il est pas connu encore, mais ça va cartonner. Hein. Parce que bon, même sur vous YouTube. Vous avez une démo à m'envoyer par mail, éventuellement? Bah, je peux vous envoyer le lien YouTube, parce qu'il y a quand même déjà 30 000 vues sur sa chanson, quoi. Ah oui, ça pourrait le faire. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien, quoi. Ouais, bah, écoutez, moi j'ai mon vrai site internet de Must FM. Oui. Bah, vous allez dans les commerciaux, si vous regardez Laurent, oui. Vous pouvez m'envoyer éventuellement le lien, et j'irai voir. Bah, écoutez, c'est gentil, je vous envoie ça tout de suite. De rien, voilà. Merci, au revoir. Allez, bonne chose, il va passer à Namur. Alors attends, le gars il a besoin de se nettoyer les oreilles, c'est pas possible. Celui-ci c'est pour toutes les rachidas. Ah non, c'est pas possible. Bon bah tout à l'heure on essaiera au service public. Bah oui, un petit peu quand même. Bah c'est ça, voilà. Et puis comment ça va? Et nous on va revenir dans quelques instants avec vous toutes et vous tous. Et avec la question qui colle encore, on cherche la réponse. Il y en a quelques-uns qui l'ont trouvé. Qu'a trouvé Aurélie Gerbant dans son sachet de salade bio? Petit animal qui vivait encore, pour un petit indice, enfin à moitié mort, hein, mais il vivait encore. Et les infos, ça va arriver dans un instant avec Julie. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et à 8h pile, ce sont les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, une mini tornade s'est abattue hier sur un camping en Isère en France. Le bilan est lourd, un mort et 5 blessés, dont un Belge. Une femme d'origine néerlandaise est décédée à la cause de la chute d'un arbre sur des tentes, alors que son fils de 2 ans a été blessé et hospitalisé. À Ibiza, un petit Belge est dans un état grave après une chute dans une piscine. L'enfant de 4 ans a été repêché mercredi après-midi. L'enfant présentait des symptômes de noyade, son état est très préoccupant. Ce soir, cela fera une semaine, jour pour jour, que la tempête mortelle a balayé le festival Pukkelpop. Ce soir, des groupes de musique rendent hommage aux 5 victimes de ce drame. Le centre d'Asselt s'attend à accueillir de 5 à 10 000 personnes. Et la SABAM a annoncé qu'elle ne demanderait pas cette année d'argent au Pukkelpop pour les droits d'auteur. La SABAM perçoit normalement environ 8% du montant total que Pukkelpop paye aux artistes. À Liège, un corps en décomposition a été repêché sur le canal Albert. Des pêcheurs ont découvert le cadavre, sur le talus d'une presqu'île. Il s'agirait d'une mort naturelle. Aucun élément suspect n'a été relevé. La victime pourrait être un ressortissant néerlandais de Maastricht disparu il y a 6 semaines, ce qui correspond à l'état de décomposition du corps. En 2010, il y a eu 2 fois plus d'arrestations de personnes suspectées de terrorisme. 62 personnes ont été placés sous mandat d'arrêt l'année dernière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La plupart des dossiers concernent les villes de Bruxelles et d'Anvers. Actuellement, une centaine d'enquêteurs traitent des affaires relatives au terrorisme. Steve Jobs, le PDG et le créateur d'Apple, démissionne. Il était en congé de maladie depuis le mois de janvier pour une durée et une raison indéterminée. L'action du groupe chutait hier soir suivant cette annonce. Le conseil d'administration dont Steve Jobs prendra la tête a nommé son numéro 2 Tim Cook pour le remplacer. Et puis enfin en sport, les hockeyeurs belges se sont imposés face à l'Espagne 3-2 lors du match décisif de leur groupe à l'Euro de hockey. Une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales et surtout des Jeux Olympiques à Londres. 8h02, la météo. Eh bien, une nouvelle dégradation orageuse sera au programme du jour. Sur le centre et l'est du pays, la dégradation s'accompagnera localement de grêle. Température jusqu'à 25 degrés. Demain, journée entre passages nuageux et éclaircies un petit peu comme d'habitude. Bon, et l'info en plus, elle arrive dans 20 secondes. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. Je vous en avais parlé, l'info en plus, à 8h03, c'est parti. Eh bien, c'est une info qui fait très très mal à Mickaël, n'est-ce pas? Oh, franchement, ouais, ça m'énerve, ça m'a mis une mauvaise humeur toute la matinée, ça. Bien voilà, un joueur du loto qui avait gagné l'équivalent déjà de 2,8 millions d'euros en 1996. Eh bien, ce cher gagnant a reçu son nouveau chèque de plus de 3 millions d'euros parce qu'il l'a gagné au tirage du 27 juillet. Mais loto, Euro-million? C'était au loto. C'est loto. Alors, le gagnant dit qu'il a une bonne étoile, bah oui, j'imagine. Ah oui, ah bah oui. Et la Française des Jeux, elle a calculé qu'un même joueur aurait une chance sur 363 millions de trouver à deux reprises les bons numéros. Sans déconner quoi, mais quel cul quoi. Tout est possible. Millions d'euros quoi. Ah ouais, c'est violent. D'ailleurs, en parlant de ça, on va jouer avec vous. On joue avec vous d'ailleurs à l'Euro Million là ce vendredi. Il y a 88 millions d'euros. Non. Oui, c'est ça, 88 millions d'euros à gagner. Donc si vous voulez tenter de les gagner avec nous, on partagera évidemment. Bah vous avez forcément plus de chances puisqu'on fait une grille qui coûte plus cher. Donc on fait un espèce de petit cagnotte quoi. Et ouais, c'est ça, ouais. 63-22, vous vous inscrivez, c'est 1 euro par message, vous débutez le message par million avec vos coordonnées complètes. On fait un tirage au sort parmi les gagnants donc et puis bah on les appellera pour leur donner les numéros qu'on va jouer avec eux et s'ils gagnent, on partage. C'est pas plus compliqué que ça, ouais, hein, on comme partage ça. Entre Mickaël et moi. Oui, bah tout à fait. Donc voilà, 63-22, débutez le message par million dans un instant. Merci. Ouais, dans un instant. Ce sera on va payer vos factures. Je vais y arriver, moi, t'en mets dans l'ordre. On va payer vos factures aussi. D'ailleurs, il y a plein de messages qui arrivent pour les factures. 300 euros pour deux places du Grand Prix de Spa ce week-end. Il y en avait à gagner sur Fun là, avant les vacances. C'est dommage. 409 euros pour un GSM. 3350 euros et 1 euro pour des appareils auditifs. 350 euros pour les frais d'inscription au cours du soir. 140 euros pour un nouvel évier. Le cadastre, 1000 euros. Ah oui, quand même. Hein. Luminus, électricité, 200 euros. 471 euros pour Proximus, 306 euros pour le cadastre, 99 euros épilation des épaules. Oh, des épaules. Oh. Ça doit être un mec, j'imagine. Ouais, ça doit être un mec bien venu, comme tu les aimes, Julie. Bon, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, donc inscrivez-vous dès maintenant. On fait le tirage dans 5 minutes. 63-22, débutez le message par facture, tout simplement, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et l'excellent son de LMFAO découvert sur Fun avec Natalia Kills, c'est Champagne Showers. Le son des LMFAO à l'instant, Champagne Shower sur Fun Radio, 8h09. Bonjour, bon réveil tout le monde, si vous vous réveillez avec nous, ça fait plaisir. Il y a Eric qui est avec nous aussi, salut Eric. Salut Gaël. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, bah ouais, ça va plutôt bien. Hein. Bon Eric, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? Charleroi, j'ai 27 ans. Charleroi. Ouais. D'accord. Là, j'ai boulot à Bruxelles en fait. D'accord, ok, bah bon courage sur la route, hein, parce qu'à mon avis tu vas bien galérer. Hein. Surtout entre Halle et Bruxelles en général, c'est toujours là qu'il y a des problèmes. Hein, mais bon, ouais, toujours, hein. Bah amuse-toi bien. Hein. Bon Eric, t'avais la réponse à la question qui colle. Qu'a trouvé Aurélie Gerbant dans son sachet de salade bio? Une grenouille à moitié vivante. Une grenouille à moitié vivante. Ça c'est une vraie salade bio. Effectivement, c'est une bonne réponse, oui, tout à fait. Donc elle a ouvert son sachet hein, et puis en fait elle a vu un truc dans le fond qui bougeait. C'est dégueulasse. Et c'est là que son nom, le nom de cette meuf a pris tout son sens. Exactement, oui. Voilà. Donc. Ah oui, c'est bio, ça c'est clair. Certain, ouais. Donc elle a alerté le centre anti-poison et donc elle risque une bonne gastro, mais bon, dans l'absolu, rien de bien grave en plus de ça, quoi. Eh ben écoute, bravo à toi Eric, tu vas retourner au standard et puis passe une bonne journée, bon courage sur la route. Merci à vous aussi. Salut Eric, à bientôt. Salut. Ciao. Et attention, c'est parti, le moment préféré du boss de la radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, là il écoute certainement dans sa voiture, il est là, il transpire, il a peur et c'est normal puisqu'on va vous payer votre facture maintenant. Tous les matins, ça se passe à 7h10, 8h10 et 9h10. C'est moi qui vous paye votre facture mais avec le chéquier de la radio, ce qui est quand même vachement plus sympa. Vous inscrivez au 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. C'est 1 euro par message et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle en direct tous les matins pour vous rembourser cash. Pas plus compliqué que ça, il suffit de décrocher. Allô? Ah ben voilà, tiens. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, salut Vincent. Tu appelles d'où, t'as quel âge? J'ai 38 ans, j'appelle de Wandre. De Wandre, très bien. Toff, c'est combien la facture? C'est très très cher, oui. C'est excessivement cher, 27 euros. Ah, 27 euros? Oui. Ah bon, et c'est pourquoi? C'est pour la, une poupée Barbie, ma fille, l'anniversaire de ma fille qui a 7 ans aujourd'hui. Oh, oh bah j'ai une petite musique pour elle. Ah non, je crois pas. Non, tu vas éviter ta petite musique. Oh, t'as pas d'humour. Hein. Bah attends, elle a 7 ans. Non, vraiment, on peut rien, elle a 7 rien ans, faire avec elle. On est vraiment pieds et poilis avec Julie. Ah là. Attends, mais la musique que tu voulais passer, la petite a 7 ans et elle reçoit une Barbie. Bah, peut-être oui. que ta musique à moitié... Non, enfin, je comprends pas. Le papa sera d'accord avec moi. T'es vraiment prude, hein. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. T'es vraiment trop prude. Oui, bah, quand la petite a 7 ans, oui, tout de suite, là, j'ai des valeurs. Ouais, t'es prude. C'est un beau prénom. Mais oui, c'est un beau prénom, Julie. Ah oui. Mais oui, pourquoi tu es papa célibataire? Non. Ah bon, bah alors c'est encore pire, tu es un papa volage. Non, mais il est toujours disponible pour un petit coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, Eric, on va te rembourser ça, il n'y a pas de problème, et souhaite un bon anniversaire à ta petite fille, d'accord? Oui, mais c'est Vincent, moi. Oui, Vincent, excuse-moi, je sais pas pourquoi je t'appelais Eric. Ah oui, Eric, c'était juste avant. Il a gagné juste avant. Oui. Autant pour moi, Vincent, pas de problème. Mais souhaite quand même le bon anniversaire à ta petite fille. Merci. C'est salut, gentil, salut, à bientôt. Salut, Vincent. Ciao à toi, bye bye. Et puis, on remet le couvert tout à l'heure, hein, si vous voulez, vous aussi, qu'on vous rembourse votre facture. Donc, 6322, comme Vincent maintenant. 6322, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans une heure, on vous appellera peut-être en direct pour vous rembourser votre facture. Et restez là, puisque dans un instant, petit souvenir, tiens, Mary J. Blige qui arrivera avec Family Affair sur Fun Radio. Et l'horoscope de Doudou, bien entendu. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. Et on est de retour sur Fun Radio, 8h14. Dans un petit instant, on fera le petit déj-service. Si vous voulez participer au petit déj-service, vous êtes les bienvenus. 3044, débutez le message par Dej, D-E-J, tout simplement. On aura aussi dans quelques instants la petite déclaration express, le moment préféré de Julie également. Hein. Et Mary J. Blige qu'on écoute maintenant à 8h15. Family Affair sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Le son de Mary J. Blige à l'instant sur Fun Radio avec Family Affair, 8h17, bon réveil tout le monde, on va passer à l'horoscope tout de suite. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope comme chaque matin, et c'est Doudou évidemment qui s'y colle. Hein. Tiens, Doudou, vous pouvez pas aider Julie là pour en finir une bonne fois pour toutes avec son rhume là, ça fait une semaine que ça dure là, ça commence à... C'est une grippe. Hein. Ah, c'est une grippe. Hein. Ah oui, mais c'est compliqué. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'elle a dû être maraboutée. Hein. Maraboutée? On m'a acheté un sort? Ah oui, hein, moi je vois pas d'autre explication. Hein. Sinon, comment tu expliques qu'elle a un horoscope aussi pourri tous les matins depuis une semaine? Ça, c'est vrai. C'est vrai que tout s'explique peut-être. Hein. Bon, mais alors. Oui, moi je vous le dis. Bah oui, bon, on va commencer avec les béliers alors. Hein. Alors allons-y. Vos bons arguments seront porteurs, alors soyez diplomates. Les taureaux. Quelque chose est en train de se préparer et ça va changer radicalement votre vie. Eh bah, les gémeaux. Le travail vous semble être sans fin et insurmontable. Faites comme moi, ne travaillez pas. Oui, c'est plus pratique, c'est vrai. Attention, pour Julie, justement, les cancers. Alors, qu'est-ce que ça va être? Défendez avec courage votre point de vue. Mais rassurez-vous. Tout le monde s'en fout. Voilà. Oh, mais quelle horreur, mais attends, moi, je... Voilà. Les lions. C'est bien ce que je disais, vous avez été maraboutés. Les lions. Cet après-midi, vous aurez une petite baisse, mais l'avance que vous avez prise ce matin équilibrera. D'accord, les vierges. Concentrez-vous plus sur votre travail et arrêtez de rêver. Oui, parce qu'ils sont plutôt volages, les vierges en général. Oui, en plus, oui, comme non, pas du tout. C'est le signe du copain, Julie. Il n'est pas volage du tout. C'est le signe des cochons. Mais non. Il n'est pas vierge, non, il n'est plus vierge non plus. Mais enfin bon. Les balances. Un projet risque d'échouer, mais vous obtiendrez de l'aide et tout s'arrangera. D'accord, les scorpions. Une période difficile s'annonce. Oui, c'est toujours compliqué. Ah, c'est la merde aussi pour les scorpions. Les sagittaires. Il y a peut-être des amis à vous. Oui. Sagittaires, aujourd'hui, on vous adore. Alors profitez-en pour obtenir des choses. Bah oui, les capricornes. Prenez soin de vous et prenez l'air le plus possible. Les Verseaux. Planifiez des cours de fitness, de yoga ou de la méditation. Vous avez besoin de faire le vide. Et les poissons pour finir. Si vous êtes blonde, c'était pas la peine. Hein. Non. Alors pour les poissons, d'accord, c'est une semaine agitée, mais elle promet d'être pleine de succès. Et bah la bonne nouvelle, à tout à l'heure, tout doux, dans une heure. Oui, d'accord, pas de problème. Parfait. Et dans quelques instants, la déclaration express. Si vous aussi, vous voulez faire une petite déclaration à votre copain, votre copine, ou alors votre futur copain ou votre future copine, n'hésitez pas, 3044, débutez le message par déclaration. Et à 8h20, on s'envoie le son maintenant de Shakira et Pitbull. C'est Rabiosa sur Fun Radio. Shakira sur Fun Radio avec Rabiosa à l'instant. Bon réveil tout le monde, il est 8h22. Dans un instant, la petite devinette.

femme d'origine néerlandaise est décédée à cause de la chute d'un arbre sur des tentes, alors que son fils de 2 ans a été blessé et hospitalisé. À Ibiza, un petit Belge est dans un état grave après une chute dans une piscine. L'enfant de 4 ans a été repêché hier après-midi. L'enfant présentait des symptômes de noyade. Son état est très préoccupant. Ce soir, cela fera une semaine, jour pour jour, que la tempête mortelle a balayé le festival Puckle Pop. Et ce soir, justement, des groupes de musique rendent hommage aux 5 victimes de ce drame. Le centre d'Asselt s'attend à accueillir de 5 à 10 000 personnes. Et la SABAM a annoncé qu'elle ne demandera pas cette année d'argent au Puckle Pop pour les droits d'auteur. À Liège, un corps en décomposition a été repêché sur le canal Albert. Des pêcheurs ont découvert le cadavre sur le talus d'une presqu'île. Il s'agira d'une mort naturelle, aucun élément suspect n'a été relevé. La victime pourrait être un ressortissant néerlandais de Maastricht, disparu il y a 6 semaines, ce qui correspond à l'état de décomposition du corps. Le taux de suicide au sein de l'armée belge serait en hausse. D'après des chiffres communiqués par le service social de la défense au colonel Lemens, en 2008, il y a eu 5 suicides, 12 en 2009 et 19 en 2010. D'après le colonel Lemens, rien n'est fait en matière de prévention contre le suicide. Il affirme également depuis plusieurs mois que les lois sur le bien-être et la sécurité au travail sont bafouées à l'armée. Steve Jobs, le PDG et le créateur d'Apple, démissionne. Il était en congé maladie depuis le mois de janvier pour une durée et une raison indéterminée. L'action du groupe chutait hier soir suivant cette annonce. Le conseil d'administration dont Steve Jobs prendra la tête a nommé son numéro 2, Tim Cook, pour le remplacer. Et puis enfin en sport, les hockeyeurs belges se sont imposés face à l'Espagne 3-2 lors du match décisif de leur groupe à l'Euro de hockey. Une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales, mais surtout pour les Jeux Olympiques de Londres. Très bien, il est 8h32 et on fait un tour du côté de la météo. Pourrir. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, c'était ça. Une météo pourrie et j'ai envie de rajouter jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Comme ouais, ça, j'essaye de relever un peu le niveau. Voilà, je n'ai même pas le temps de faire la météo. Ok, bah non, c'est mais bon. Elle est dégueulasse. Je pourrais rajouter que demain, ce sera pourri aussi. Voilà, ouais, c'est bah fait. Voilà, tu vois, hein, on l'a dit en plus là. Et à faire dégueulasse. Autant ne pas donner la nouvelle, tu vois que les gens se disent ah, demain ça ira mieux. Mais non, bah, écoute, non. Ça n'ira pas mieux. Hein. Et bah, ce week-end, ça n'ira demain pas mieux non plus. Hein. 18 degrés samedi, j'ai vu. Ah putain, c'est okay, parfait. Moi j'ai un mariage sous la pluie, alors super. Encore, je crois que je vais revenir malade encore lundi. Mariage plus vieux, tout ça quoi. Oui, ouais, bah, mariage plus vieux, mariage. Enfin bon, mariage mouillé. Ouais, mariage au pieux. Ouais. Bon, alors. Ah, ouais. Oui, aussi, oui. Bon, alors, la petite info en plus. Alors, moi, ce matin, je voulais vous parler d'un nouveau site internet britannique qui, je trouve, est très chouette parce qu'il invite les femmes à poster des photos ah, oui, de leur sympa, corps oui, habillé. Merci, Tof, ne t'excite pas. Donc, des photos sans retouche ni trucage Photoshop. Le but, c'est évidemment de lutter contre la dictature des magazines de mode et apprendre à mieux s'accepter. Mais voilà, le c'est une bonne internet, chose. Je rajoute quand même que c'est mybodygallery.com. Voilà, donc si vous voulez aller jeter un œil dessus, n'hésitez pas, il n'y a pas pour de voir des vraies femmes. Pour voir des vraies femmes, exactement. Ouais. Moi, j'ai des vrais sites où il y a des vraies femmes. Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Oui, c'est certainement pas les mêmes. Voilà, donc l'info revient tout à l'heure à 9h. Et puis au niveau de la devinette, là, qu'est-ce qui est. J'oublie maintenant. Qu'est-ce qui est jaune et plein de poils. Voilà, donc ce n'est pas un poussin portugais, bande de racistes. Ce n'est pas un poussin tout court. Ce n'est pas une balle de tennis. Balle de tennis, un canari, mais un poilu. Hein. C'est David. Non, c'est pas ça non plus. Par contre, il y a une bonne réponse qui vient tout juste d'arriver, mais une seule. Ah. C'est pas mal. Voilà, disons que ça, à la base, ça se mange. Avant l'accident, oui, ça se mange. Voilà, ouais, j'en dis pas plus. On s'envoie le son de Snoop Dogg maintenant avec T-Pain. C'est Boom sur Fun Radio. Il est 8h34. Bon réveil. Get your money. Snoop Dogg sur Fun Radio avec T-Pain. C'était Boom à 8h37. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio. On est ensemble évidemment jusqu'à 9h30. À 9h30 tout à l'heure, ce sera le self avec Lucas. Vous allez pouvoir choisir vos disques évidemment avec lui comme chaque matin. Bon, plein de messages aussi qui arrivent par rapport à la petite énigme. Bon allez, encore un petit indice, mais vraiment en speed. Hein. On proposait une portugaise peint en jaune. Oh, c'est drôle ça. Une banane tombée par terre. Ah, on s'approche, c'est pas une banane, mais c'est bien un problème de tomber par terre. Mais ça se fait surtout au petit-déj. Hein. Ouais. Voilà, donc si vous avez une idée, non, qu'est-ce qui est jaune et qui est plein de poils après avoir fait une chute. Hein. Voilà, on peut le dire. Hein, tant que ça, parce qu'à la base, ça se mange. Hein, oui. Au tout début, ça se mange. Bon, qui est avec nous pour jouer au petit-déj express? C'est une bonne question. Bastien. Bastien, bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour, comment ça va Bastien? Ça va bien. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi Bastien. Alors, t'appelles d'où, t'as quel âge? J'appelle de Charleroi, j'ai 14 ans. D'accord, ok, très bien. Eh ben, écoute, il n'y a pas de mal. Charleroi, c'est très bien. Il y en a plein de Charleroi là ce matin, c'est cool. Charleroi, comme dirait Vince. Bon, alors, Bastien. Oui. Nous allons jouer maintenant. Toff est là avec son plateau. Il y a 10 bouteilles. Plateau, soigneusement. Ouais, exactement. Il y a 10 bouteilles sur le plateau. Et il va faire son tour là du studio en courant. Et à ton avis, en ayant fait le tour du studio, combien de bouteilles va-t-il rester sur le plateau? Si tu as une idée, dis-nous maintenant. Ne sois pas trop optimiste. Hein. 3 bouteilles. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent 3 bouteilles, ils perdent tout le temps, je sais pas pourquoi. Bon, eh ben écoute, on y va, attention, Toff, tu le sens bien? Ouais, j'ai essayé une nouvelle technique là. Ah bon? Ouais, je crois qu'il a tout serré au milieu du plateau. Pour voir, on va voir. Bon, allez, attention, 3, 2, 1, go! Attention, alors, pour l'instant, bien, tout pour va. L'instant, il est pas pour l'instant, passé, rien n'est tombé, je attention. Rappelle que Julie peut faire des croche-pieds. Et attention, elle est là! Voilà. Il a failli casser mon ordinateur, mais ça va. Il a été qui sauvé. C'est qui m'a... Alors ah, que j'étais bien lancé, que j'étais, j'allais faire le tour avec tout sans non, rien faire tomber. Tu marchais comme un escargot, tu trichais. Ah. Mais il faut surtout savoir que t'as failli en prendre une sur la tête, Julie. J'ai vu la bouteille tomber, j'ai dit oh là là là là là là. C'est surtout mon ordinateur, ça m'aurait fait très très très mal. Oh, mais bon. T'aurais envoyé une facture. Oui, bah bien sûr. Hein, 63-22. Hein. Bien sûr, ouais. Bon, bah écoute, malheureusement, c'est perdu puisqu'il n'y a rien eu sur le plateau. Hein, plus rien au retour. Bon, bah tant pis, hein. Et j'ai failli mourir. Hein, bah ouais. Bon bah tu retentes ta chance quand tu veux. C'est un métier dangereux la radio, Julie, hein, faut le savoir. Tu retentes ta chance quand tu veux, à bientôt. Salut à toi, ciao, bye bye. Bon bah voilà, c'est une bonne chose de faite, hein, ou pas au final. Hein. Et on va donner la réponse aussi maintenant à la petite énigme, mais c'est Soumaya, c'est ça? Oui c'est ça, c'est Soumaya. Soumaya, bonjour Soumaya. Bonjour. Comment vas-tu Soumaya? Très bien, et vous? Mais ça va bien bien bien aussi, tranquillement. Hein. À 9h-20, on est bien là. T'as quel âge, t'es dans quelle ville Soumaya? Alors j'ai 22 ans et je suis de Bruxelles. Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, donc c'est bien. T'es chez toi là, tu travailles pas aujourd'hui, hein? Non, rien? Non, je suis chez moi, ouais. D'accord, la cool, pépère. Bon, alors, la réponse, toi, qu'est-ce qui est jaune et plein de poils? Alors une tartine beurrée tombée sur la moquette. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Enfin, tomber par terre en règle générale. Mais voilà, c'est ça, on avait dit avec Julie, on avait dit à Toff, elle est trop gentille cette énigme là. Oui, et... ça, j'avoue que c'était un petit peu trop gentil. Voilà, tu vois, il faut un truc plus trash, Toff. Non, pas trop, mais il faut juste milieu quoi. Il faut, plus hard. Il faut du hard. Ah, non, il faut pas du hard. Julie aime le hard. Je vous rappelle qu'il est 8h41 du matin. C'est vrai, mais oui, bah bon réveil, alors là je parle. Bon, ben Soumaya, bravo à toi, c'est gagné. Je te renvoie chez Toff au standard, d'accord? On va te filer un pack. Merci. Un pack, d'accord? Salut, salut. Merci, bye bye. Salut, ciao. Et puis nous, on va revenir dans un instant avec l'infotrafic, avec la ligne anti-relou et la question qui colle. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et on fait un tour du côté immédiatement de l'infotrafic à 8h47. Soyez prudents, il y a un véhicule en feu sur l'A8 Bruxelles, ah oui, tournait en direction de Lille. C'était à hauteur de Bassilly. C'est la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite qui sont obstruées. Et forcément, il y a formation de file à cet endroit. Évidemment. Bon, si vous êtes témoin de quelque chose sur la route, un incident, du trafic, en fait, tout simplement, un embouteillage ou alors un radar, dites-le nous, 3044. Et nous, évidemment, on fait passer à tous les auditeurs de Fun. 0473 86 0013. Yo, this is... C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Oui, et ça se passe tous les matins à 7h-15, 8h-15 et 9h-15. Tous les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. Vous rencontrez un relou, donnez-lui ce numéro, il croira que c'est le vôtre et laissera des messages comme celui-ci par exemple. Oui, bonjour, c'est Marc. J'ai vu ton annonce sur annonce X Bruxelles. Voilà, je m'appelle Marc, je suis veuf. Et alors, j'aimerais bien te rencontrer. Et si cela te dit, par exemple, passer quelques jours à Paris ou à la mer ou à Bruges ou quelque chose ainsi. Tu peux me rappeler au 0470. Il est où PUI hein. Ah oui, non, mais lui, il a... Il est en chien, surtout. Hein. Tous les détails. Enfin, en même temps, c'est un numéro... Quelqu'un a laissé ce numéro-là. Il faut pas transformer le numéro anti-relou avec le numéro fourre-tout, tu vois. Le numéro fourre-tout. Bah oui, tu sais, que tu mets sur que tu mets à l'arrière des bus, là, tu sais, sur les fauteuils, dans toilettes, ce numéro les est pompes à essence. Pour les relous, ceux qui vous ennuient. Voilà, exactement, ouais. Et donc, du coup, là, si le numéro a été laissé sur un site X, forcément, bah... Ouais. Bah, on va avoir des cochons qui vont nous rappeler. Bah voilà, bah c'est ça. Allez, deuxième et dernier message. Oui, Julie, tu m'as joué un petit cochon de toi à l'hôtel en faisant marcher à poil dans le lit. Vous voyez comment est Julie, hein. Petit coup de fil, plus rien du tout. Puis tu me recontactes, tu me remets un rendez-vous en disant que tu t'excuses et tout bavard, quoi. Mais moi, je veux bien, mais tu t'excuses, je veux bien que je t'aime bien, que je t'aime. Mais que je t'aime bien, que je t'aime. Moi, j'aimerais bien qu'on te ferme ma gueule, quoi. Parce que maintenant, je te recontacte. Je reviens à ton rendez-vous, t'es pas là, moi j'ai l'air con, j'attends comme un con. Ah oui, comme con, oui. Alors, quand tu m'entends un message, moi j'aimerais bien que tu me ressonnes, ou alors, tu me dis complètement, hein, on arrête, hein, parce que je fous de ma gueule, moi je veux bien. Hein. Pas marqué connard. Ah si, si, si, pourtant oui. Hein. Plutôt crétin. Oui, ouais, ou imbécile, ou con. Il est plutôt marqué crétin sur son front, quoi. Oui, oui, voilà. C'est, non, mais il rappelle, hein, lui. Mais oui, mais on voit encore. Il y tient. Ça fait trois fois qu'on l'a sur le répondeur. Hein, donc à chaque fois, il dit, ouais, bah c'est fini, maintenant j'appelle plus. Ah, mais en fait, non. Il est de retour. Le relou est relou, forcément. Ah, ben par la définition, c'est clair. Bon, le prochain encart, donc avec la ligne anti-relou, c'est bien évidemment demain à partir de 6h. Et donc, je rappelle le numéro à laisser à tous les relous de Belgique, 0473 86 0013. Et la question qui colle avant d'écouter Britney Spears: qu'a interdit une compagnie aérienne indonésienne à ses futures hôtesses? Je sais pas. Voilà, bah. Peut-être marié. Non. Ah bon. Mais ça c'était le cas avant, ça. C'est vrai qu'avant tu peux pas te marier quand t'étais hôtesse. Ouais, mais c'est interdit. Normal avec tout ce qu'elle rencontrait comme mec. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que du coup après les compagnies, je te parle de ça il y a 30 piges. Hein. Oh, j'espère bien. À l'époque du coup, si tu te mariais, t'avais un gosse, donc du coup bah forcément tu pouvais plus voler parce que t'avais un gosse, donc t'avais plus tendance à dire bon bah je vais arrêter mon travail parce que c'est trop compliqué. Donc ils interdisaient aux femmes de se marier à l'époque. Alors que les mecs, pas de problème. Ah non, mais ça. Ah bah ça, oui. Bah, façon, c'est le sexe fort quand même. Hein. Ah bah bien sûr. Hein, oui. Enfin bon, on est bien connu pour ça. Bah oui. Bon, alors je répète, qui a interdit une compagnie aérienne indonésienne à ses futures hôtesses? 30-44 si vous avez la bonne réponse. Il y a des lecteurs MP3 ou autres cadeaux à gagner. On verra ça tout à l'heure quand vous serez à l'antenne avec nous. Et puis dans un instant, on va encore appeler le service public pour leur faire découvrir DJ Nabil Kefta. Ah, il est temps hein, qu'ils comprennent quand même ce que c'est, ça. La vraie musique. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Donc on verra ça dans quelques instants. Restez bien avec nous. Il est 8h51 et on écoute Britney Spears sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Me débrouille en Britney Spears. I wanna go sur Fun Radio. 8h54, bon réveil tout le monde. Et puis la question qui colle, je le répète, qu'a interdit une compagnie aérienne indonésienne à ses futures hôtesses? Et interdit d'avoir des rapports sexuels? Non, c'est pas ça. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 30-44. Il y a une bonne réponse qui est arrivée de Kate notamment. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, donc ça c'est une bonne réponse. De couper leurs cheveux. Non, c'est pas la bonne réponse non plus. Ça a rapport à au côté naturel du corps. Deux réponses possibles. Voilà, elles ont pas sur photobook machin. Là. Une partie du corps que Stuff aime beaucoup. Oui, bah oui. Non, c'est pas vrai. Bah, attends. Que l'homme en général aime beaucoup. Bah oui, en général, oui. Ça lui rappelle sa maman, paraît-il. Ah. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. C'est de là vient le problème après. Enfin, le problème. Le souci. Oui, c'est ça, souci psychologique. L'obsession. Oui, voilà, c'est ça, obsession, c'est plutôt ça. Ouais. Bon, Tof, c'est pas trop mal parti pour les autres radios là pour qu'ils diffusent DJ Nabil Kefta là. Hein. Bah écoute, on est à peu près à 50%. Hein. Bon, énergie, c'était pas top, mais sur Must, il y a une ouverture. Donc, ah oui, il y a moyen sur Must. Sur Must, je pense que si on le booste un peu, il y a moyen. Bah parce qu'il faut savoir que ce matin, Tof en fait s'est mis en tête de faire diffuser la chanson de Nabil de la Libre Antenne le soir avec Vince dès 20h sur les autres radios. Et parce qu'il a fait DJ Nabil Kefta, c'est ça. Celui-ci, c'est pour toutes les Rachidas qui vont retourner au blé. Voilà, DJ Nabil Kefta que vous retrouvez tous les soirs avec Vince et bientôt en tournée dans toute la Belgique. Ouais, enfin bon, on va y travailler. Dans tout son salon, je dirais plutôt. Voilà, ouais, dans le salon. On va d'abord appeler Pure FM et après on verra pour la tournée. Hein. Bon, allez, c'est parti, on appelle Pure FM pour voir s'ils veulent passer le titre dans leur prog. Pas gagné en plus. Pure FM, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, j'aurais voulu la programmation musicale, s'il vous plaît.

soir. Le centre d'Asselt s'attend à accueillir 5 à 10 000 personnes. Et la SABAM a annoncé qu'elle ne demandera pas cette année d'argent au Pokolpop pour les droits d'auteur. À Liège, un corps en décomposition a été repêché sur le canal Albert. Des pêcheurs ont découvert le cadavre sur le talus d'une presqu'île. Il s'agirait d'une mort naturelle. Aucun élément suspect n'a été relevé. La victime pourrait être un ressortissant néerlandais de Maastricht, disparu il y a 6 semaines, ce qui correspond à l'état de décomposition du corps. Le taux de suicide au sein de l'armée belge serait en hausse. D'après des chiffres communiqués par le service social de la défense au colonel Lemens, en 2008, il y a eu 5 suicides, 12 en 2009 et 19 en 2010. D'après le colonel Lemens, rien n'est fait en matière de prévention contre le suicide. Il affirme également depuis plusieurs mois que les lois sur le bien-être et la sécurité au travail sont bafouées à l'armée. Steve Jobs, le PDG et le créateur d'Apple, démissionne. Il était en congé maladie depuis le mois de janvier pour une durée et une raison indéterminée. L'action du groupe chutait hier soir suivant cette annonce. Le conseil d'administration dont Steve Jobs prendra la tête a nommé son numéro 2, Tim Cook, pour le remplacer. Et puis enfin en sport, les hockeyeurs belges se sont imposés face à l'Espagne 3-2 lors du match décisif de leur groupe à l'Euro de hockey. Une victoire synonyme de qualification bien sûr pour les demi-finales, mais surtout pour les Jeux Olympiques de Londres. Et à 9h03, c'est la météo. Une nouvelle dégradation orageuse sera au programme de la journée sur le centre et l'est du pays. Ils s'accompagneront localement de grêle. Température jusqu'à 25 degrés. Demain, journée entre passages nuageux et éclaircies et jusqu'à 19 degrés. Eh ben donc, restez bon courage. Chez vous. Oui, c'est ça, restez chez vous. 9h03, dans 20 secondes, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus, maintenant avec Julie toujours. Alors ce genre d'info, on a envie de dire, c'est trop pas juste. Un joueur du loto qui avait gagné déjà 2,8 millions d'euros en 96, eh bien il a regagné le jackpot avec 3 millions d'euros. Donc le gagnant dit qu'il a une bonne étoile, bah oui forcément. Oui bah oui. Et la Française des Jeux a quand même calculé qu'un même joueur aurait une chance sur 363 millions de trouver à deux reprises les 6 bons numéros du loto, comme quoi ça arrive. Quelle déprime, mais moi je suis content parce que j'ai gagné 15 euros. Voilà, bah lui il a gagné plus de 6 millions d'euros. Ouais, voilà, bah, voilà. Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Deux fois de suite. Et on va remercier Julie Méro hein, pour cette information. Voilà. Très. Oui, du numéro. Bon, bah 9h05, c'est pas grave. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez jouer à l'euro million. C'est vendredi le tirage. Il y a 88 millions d'euros à gagner. Vous jouez avec Fun, on paye. Et puis, bah, si on gagne, bon, on partage avec vous. 63-22, débutez le message par million avec vos coordonnées complètes. Et puis, c'est 1 euro par message. On fera un tirage au soir vendredi. Et puis, on vous appellera personnellement pour vous donner les numéros que nous aurons joués avec vous. Voilà, restez bien là. On va également payer vos factures dans un instant. Et puis, en donnant la réponse à la question qui colle, qu'a interdit une compagnie aérienne indonésienne à ses futurs hôtesses? Là aussi, vous pouvez participer au 3044. On donne la réponse après Jean-Roch, Kate Deluna in Florida. C'est I'm Alright sur Fun. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Le son de Jean-Roch à l'instant avec Florida et Kate Deluna, c'était I'm Alright sur Fun Radio. 9h09, bon réveil tout le monde. Et puis plein de bonnes réponses qui sont arrivées également là pour la question qui colle avant qu'on vous paye vos factures dans quelques instants. Pour vous inscrire d'ailleurs, vous avez encore quelques secondes là. 63-22, débutez le message par facture, c'est 1 euro par message. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et on vous appelle en direct dans une minute à peu près. Le temps de prendre Anastasia qui est avec nous maintenant. Salut Anastasia. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Eh ben, ça va bien aussi. Anastasia, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? J'habite Charleroi, j'ai 33 ans. D'accord, mais y a-t-il d'autres auditeurs qu'à Charleroi? Mais non, je me pose mais la non, question. Nous sommes numéro 1 à Charleroi. Oui, ça c'est vrai par contre. Oui, mais bon, on est les meilleurs. Hein, mais oui. Hein, et la petite phrase qui fait toujours plaisir évidemment à Julie. Hein. Charleroi! Il y a mieux, moi je trouve. Mais vive Charleroi quand même. Voilà. Mais oui, mais bien évidemment. Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, Julie entonnera des chants carolo. Tout à fait. Tout à fait. Dans les infos, elle fera les infos avec le chant, avec l'air et tout, ça va être bien. Bon, Anastasia, alors, tu as la réponse, oui. Toi. Donc, qui a interdit une compagnie aérienne indonésienne à ses futures hôtesses? Les seins siliconés. Exactement, ainsi que les tatouages également. Hein. Les deux sont interdits. Donc, oui, on ne peut pas avoir de seins siliconés. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est une compagnie sud-coréenne, hein, qu'il faut le savoir. qui risque peut-être d'exploser en plein vol. Non, non, ça c'était avant ça. Maintenant, c'est plus un problème. Bah oui. C'est plus un problème, c'est plus un problème. Regarde, Julie, elle prend encore l'avion sans problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourtant, elle est sursiliconée. Hein. Ah bah ça, attends, moi j'ai au moins un 90. Minimum. Hein. Ah ouais, non, minimum. Ah, 90, comme, où ils sont. Comme énorme. Hein. Comme où ils sont. Ouais. Bon, eh ben écoute, bravo à toi Anastasia, je te fais des gros bisous, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer le cadeau à Charleroi directement. C'est bien gentil, gros bisous à tout le monde. Gros bisous à toi aussi Anastasia. Ciao. Salut. Allez, le moment préféré de Greg, hein, le boss de la radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Eh oui, ça fait toujours mal, à chaque fois c'est strident, il doit entendre ce jingle, il doit... Ça doit le perturber. Il doit grincer des dents. Il doit trembler en fait, parce qu'il attend de savoir combien ça va voilà, être. Voilà, transpiration, tout ça, le gant de toilette sur le front, enfin bref, ouais, l'histoire. Le cœur qui accélère. Ah ouais. C'est très très cher. Ah c'est oui. très cher. Bon, je sais pas chez qui on va, mais... Allô. Ah, mais ça décroche. Mince. Bonjour, comment tu t'appelles? Manon. Bonjour Manon, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? 22 ans, Bruxelles. Ah, t'avais une voix trop jeune, j'allais dire, oh mais on ne peut pas rembourser à des jeunes. Tu es célibataire, Manon? Oui, mais non, elle s'en fout. Tu es célibataire, Manon? Non, pas du tout. Ah, très bien. Dommage. Malheureusement, c'était un critère pour payer la facture, au revoir. C'est ça. Bon, ah, Manon, dommage. Bon, t'offres combien la facture? 56 euros. Ah, 56. 56 euros, mais qu'est-ce que t'as acheté quoi avec 56 euros? J'ai remboursé ma facture baisse. Ah, le téléphone. Mais oui, bien sûr, pas de problème. Bon, on va te payer ça, il n'y a pas de problème. La facture B, c'est pour nous. Génial. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Manon, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante encore en quoi? Communication. D'accord, ok. T'étais dans quelle ville? Je t'ai pas demandé, il me semble. Bruxelles. T'es à Bruxelles, 104.7 d'ailleurs pour écouter Fun à Bruxelles. C'est bien. Bah pour l'instant, les villes qui vivent le plus, là le matin en tout cas, Charleroi, région de Liège et Bruxelles. Ah bah voilà. Bah, les, autres ah bah sont, voilà. Les autres sont morts. Hein. Faut, les faut, autres faut, dorment encore. Voilà, faut le savoir. Alors Namur. Personne. Y a quelqu'un? Allô Namur? Oui. Hein bon, je sais pas. Bah dites-nous si vous êtes là, hein, 30-44, hein, ou si vous êtes coincé dans un bouchon, tout ça. Bon, gros bisous Manon, je t'embrasse. Merci, au revoir. À bientôt et bonne journée. Et on remet le couvert évidemment avec les factures. Ne bouge pas maintenant, ne t'excite pas comme ça, tout va bien, t'inquiète pas. Nous remettrons le couvert donc dès demain à partir de 6h, donc avec les factures. 63-22, débutez le message par facture. Avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, vous pouvez vous inscrire tout au long de la journée. On fera les tirages au sort dès demain matin, dès 6h. Et restez bien là dans un instant. C'est Luna qui débarque, vamos à la playa. Il y aura aussi l'horoscope de Doudou, bien entendu. Tout ça avant 9h30. Que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Le son d'Ouda à l'instant, vamos à la playa, 9h17 sur Fun Radio, ça va, je suis rassuré. Hein. Message qui est arrivé, il y en a plein d'ailleurs hein, qui sont arrivés. Namur est bien réveillé, la base sombre est enfermée à Namur. Je suis de hâte et je vous écoute tous les jours sur chantier, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs d'ailleurs. Tournez, t'écoute, Mickaël, comme toujours, tu déchires, c'est Tony. Merci Tony. Mais oui, Namur vous écoute chaque matin, c'est Max. Les Tournésiens vous écoutent aussi, toute la journée j'écoute Fun, vous déchirez. On est là en force, 5060, Sambreville, on est chauffeur taxi, on t'écoute tous les jours. Big up à tous et bonne journée. Bonne journée à mes collègues, c'est Jonas Sambreville. Mons vous écoute aussi, vous arrachez tout, à part Julie est trop fleur bleue. Mais j'ai pas le choix en fait, il me demande bon, de les calmer. Donc, et après ça me retombe pas du tout. Pas du tout. Non, mais allons-y, lâchons-nous, on va voir, tiens le résultat. Bah écoute, pas de problème. Okay. Allez, mets-toi à poil. Ok, je commence à me déshabiller là. Oui, bah écoute, nous attendons. Bah écoute, voilà, ça commence. Ah, on s'en ah mais quoi, ça, mais quoi, vous ne voyez rien. Ah non, mais on voit ah, rien. Ah, il y a rien à voir peut-être. Ah ouais, c'est bah ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, un peu où ils sont. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Fun Radio. L'horoscope. Allez, l'horoscope maintenant, 9h18. C'est... Ah, c'est bon, Doudou, là, vous allez pouvoir désembouter Julie ou pas, là? Ouh là là là là là là, je sais pas. Je viens d'appeler mon frère Bonaventure et il me dit oh là là là là là là là. Ah, il dit pareil, en fait. Vous dites tous les deux oh là là là là. Voilà. Il ne parle que comme ça, en fait. Voilà, sauf que lui. Bonaventure, il a ajouté, c'est grave ce problème hein, que tu as avec cette fille. Ah mais c'est désespéré alors? Non, il y a toujours une solution, mais elle va devoir y mettre du sien. Hein. Ah bon? Elle va faire quoi? Elle doit faire quoi? Bah d'abord, il va falloir qu'elle commence par purifier son corps. Hein. Ouais. Alors, ouais. Je pense que le mieux, c'est de prendre des douches avec du sang de poulet fraîchement égorgé. Ah ben voilà. Ah oui. Et je crois que je vais garder ma grippe. Surtout de ne pas se rincer pendant 3 ou 4 jours. Oh, voilà, hein, c'est clair, je vais la garder. Ouais. Voilà. Après, il faudra aller trouver des coiffeurs. Non, ça va aller, bon, c'est bon. Bon, on va commencer avec les béliers, Doudou. Hein. Bon, d'accord, comme allez. Vous voulez. Ouais, ouais. Alors, vos bons arguments seront porteurs. Soyez diplomate. Très bien, les taureaux. Oh oui. Quelque chose est en train de se préparer et cela va changer radicalement votre vie. Les gémeaux. Le travail vous semble être... Votre travail vous semble être sans fin et insurmontable. Alors, ben, faites comme moi, ne bossez pas. Oui, c'est plus facile. Ben, les cancers, comme Julie. Comme alors, Julie, pas oui. De la merde, hein, Doudou. Mais non, je dis toujours la vérité. Oui, défendez avec courage votre point de vue, même si tout le monde s'en fout. D'accord. Les lions. Cet après-midi, vous aurez une petite baisse, mais l'avance que vous aurez prise ce matin équilibrera. Les vierges. Concentrez-vous plus sur votre travail et arrêtez de rêver. Les balances. Un projet risque d'échouer, mais vous obtiendrez de l'aide et tout s'arrangera. Les scorpions. Une période difficile s'annonce. Les sagittaires, pardon. Oui. Ah oui, je comprenais pas. Alors aujourd'hui, on vous adore. Alors profitez-en pour obtenir des choses. Très bien, les capricornes. Prenez soin de vous et prenez l'air le plus possible. Et les verseaux. Planifiez des cours de fitness, de yoga ou de méditation. Vous avez besoin de faire le vide dans votre tête. Mais oui, et les poissons pour finir. Alors d'accord, c'est une semaine agitée pour vous les poissons, mais elle promet d'être pleine de succès demain. Eh ben voilà la bonne nouvelle. Bon bah très bien, je crois qu'on va réfléchir pour le désenvoûtement de Julie. Hein. Bah écoute, bah, je crois que le sang, tout ça, ça, je crois que je vais vraiment garder ma grippe. Ah, bon, je pense qu'il vaut mieux. C'est vraiment dommage. Hein. Bah moi je c'est suis déçu hein, parce que j'étais pas à vous aider. Je me doute. Ah, bah, bon bah ouais. Doudou, merci beaucoup, bonne journée. Hein. Bah oui, hein, là je vais me reposer. Bah très bien, faites donc ça. Comme alors toujours. Voilà. Ah, il y a la Louvière qui est à l'écoute aussi. Bon bah ça fait plaisir, ça va. Bah, je me rends compte que la Belgique écoute, ça nous rassure quand même. 9h20 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Et Deepside DJs maintenant, c'est Never Be Alone sur Fun Radio. D'ailleurs dites-nous tiens si vous aimez ce morceau là, on le tourne depuis le temps. Pas très longtemps. 3044 ou sur le Facebook mikl.fm. Deepside DJs, 9h21 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Bon bah il y a un message qui est arrivé, ça me rassure aussi. Super bien la musique, c'est quoi le titre? C'est Deepside DJs avec Never Be Alone. Deepside, donc en un mot, Deepside. Et puis DJs, comme DJ, comme un DJ quoi. Voilà, DJ, on peut pas faire mieux. Hein. Et puis un message aussi qui est arrivé. Bonjour la room, je suis chauffeur poids lourd et je dis vive les jupes, quelle belle vue d'un camion, je vous adore, continuez comme ça, bisous à tous, c'est Sébastien. Oui, c'est vrai que pour ça, bah, l'été c'est quand même sympa. Ouais, mais l'été, justement, j'avais dit l'été qu'on a pour l'instant, il doit pas beaucoup en voir des jupes. Non, c'est vrai. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est les meufs qui sont en, pas en petite tenue, mais en petite jupe, machin. Dans un cabrio et toi tu es dans un camion ou dans une camionnette haute. Alors t'es là, tu regardes. Alors, et là je dis vive les bouchons. Oui, j'imagine, oui. C'est pour ça c'est mieux d'aller dans les endroits où je sais pas où il y a des bouchons, où il y a du soleil, genre je sais pas Miami par exemple. Ah, là, bah, écoute, voilà. Bah, là c'est le festival. Hein. Facile. Ah ouais, là c'est bien, là c'est vachement bien. C'est bien en plus c'est au coin de la rue donc. Ouais, oui, bah, c'est ça. C'est vrai. On ira rapidement. Doudou, ah oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai un message pour vous. C'était quoi Taureau? J'ai pas entendu. Ah bah oui, bah alors une seconde. Hein, moi j'ai, ah oh là là, j'ai déjà tout jeté une seconde. Bah non, mais non, mais Taureau là, vous avez bien pas oui, mouillé. Ah, ah oui, voilà, si Taureau, c'est là. Quelque chose est en train de se préparer et cela va changer radicalement votre vie. Ah d'accord. Oui, il fallait répéter, c'est bah quelque oui. chose de fort. Bah ah oui. Il vaut mieux, ouais. Bon, il y a un message aussi, évidemment que Namur est là. Je vous écoute tous les jours. Bisous. Bon bah c'est gentil. Merci à vous toutes et à vous tous ce matin d'avoir été là. On s'est bien marré. Dans un instant, j'ai dû rechercher. C'est pour la vanne. Ah, pauvre Lucas, il est malade. Il est malade. Ça va aller. Non, tu vas t'en il va pas nous faire un cinéma comme Julie pendant 10 jours. Pendant 10 ans. Les hommes, quand ils sont malades, ils sont tout calmes, ils sont gentils. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Un homme malade est au bord du suicide. Bah, attends, mais n'importe quoi. Attends, t'as vu dans quel état j'étais? Je suis venue travailler. Et franchement, moi, je me fais mal au mon doigt, je suis même pas pendant 3 jours. Bah, ça, j'imagine bien. Ouais, c'est clair. C'est ce que c'était les rumeurs qui courent ici dans les couloirs. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, et c'était quoi Scorpion? Bon, allez écouter sur le podcast, sur nickel.fm, parce que sinon, on va pas le faire deux fois non plus. Hein. Bon, dans un instant, Lucas donc, qui va débarquer pour le self, comme chaque matin, avec vos propositions de sons. N'hésitez pas à les demander, d'ailleurs, les sons, puisque vous êtes là aussi pour faire la prog avec lui. Hein. Il est payé pour faire la prog, hein, mais c'est juste qu'on a trouvé cette émission pour qu'il travaille moins. En fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça marche bien parce qu'ils la font tellement bien. Là. Il voilà. est très, très paresseux. Voilà. C'est ça. Ah, message qui est arrivé, je voudrais Offspring. Oui. Allez. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est Mickaël qui vient de l'envoyer. Oui, bon, tout à fait. Bon, allez, dans un instant, donc le self. Et puis, bah, nous, on revient demain à partir de 6h du mat. N'oubliez pas aussi de jouer aujourd'hui pour l'euro-million. 88 millions d'euros à gagner en vous inscrivant au 63-22, en débutant le message par million et en mettant vos coordonnées complètes. On tirera au sort plusieurs personnes qu'on appellera en direct vendredi. Non, pas en direct, mais c'est Philippe qui gère tout ça, qui l'appellera hors antenne pour leur donner les numéros que nous avons joués. Et si les numéros sortent, eh ben on partagera avec vous 88 millions d'euros. C'est plutôt sympa. C'est pas mal. Attends, qui je pense fait plaisir, quoi. Moi, déjà, un tout petit million d'euros, je prends. 100 000 euros, je suis content, moi. Hein. Oui, oui. Un petit million, quand même. Ça. Oui, bah c'est toujours mieux, ouais. Allez, bonne journée, tout le monde. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.